du sujet, j'ai trois annonces à faire. La première, c'est que pour ceux qui ont des enfants, même les adultes d'ailleurs, il y a un nid de guêpes là juste à l'entrée. Je me suis fait piquer tout à l'heure juste parce que j'étais devant l'entrée. Juste ici. Et donc, ça me semble important de le signaler, que les enfants aient joué plus loin, parce que là, honnêtement, on ne faisait que discuter, je ne les ai absolument pas embêtés, et clac. Donc, c'est un peu embêtant. Sinon, j'ai ça à distribuer pour ceux qui veulent. Donc, c'est une amie qui est bibliothécaire au rayon enfant, dans une commune, et qui est végé, et qui a donc a créé un blog sur lequel elle ne parle que des livres pour enfants sur le thème de l'animal. Et c'est une sélection avec des commentaires littéraires hein, sur le type de livre, etc. Et l'idée, c'est que donc, ce sont des marque-pages pour faire de la publicité pour ce blog qui s'appelle Libre Animaux. Et l'idée, c'est que des parents ou des oncles ou des tantes ou des grands-parents, etc., quand on a des livres à offrir à des enfants pour les Noëls, les anniversaires ou quoi que ce soit d'autre, ça peut aussi bien sûr servir aux enseignants. En tous les cas, c'est des livres qui ont été choisis parce que, bien sûr, il y a un message autre que les livres classiques pour enfants. Donc, des messages plus ou moins végés, ça peut être franchement végé, ça peut être sur des choses qui n'ont rien à voir, mais toujours en lien avec la cause animale. Donc, pour ceux qui veulent, moi, l'idée, c'est que je reparte avec zéro. Donc, si vous voulez prendre la totalité du paquet pour redistribuer, il ne faut pas se gêner. Par contre, je vais les poser ici. Je ne sais pas où d'ailleurs. Là. Et puis, la troisième annonce, c'est qu'en fait, dans la présentation que je vais faire, on va rajouter, initialement, c'était prévu jusqu'à 18h, et en fait, de 17h30 à 18h, en fait, on va rajouter l'intervention de Richard qui est là-bas. Donc, par rapport, en lien avec ce qui a été fait ce matin, donc pour présenter en fait un groupe de travail pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Alors, moi, ça ne me semblait pas illogique de l'intégrer à la présentation de cet après-midi, parce qu'on reste quand même dans la communication efficiente. Alors, efficiente, on m'a demandé ce que ça veut dire. Alors, évidemment, je n'ai pas la définition exacte, mais on pourrait raccourcir par efficace. Voilà. Il y a une nuance par rapport à efficace qui est un petit peu différente, mais je n'ai pas forcément là les mots pour expliquer le... L'efficience, c'est efficace par rapport à la somme investie. Donc, rapport efficacité-temps. Hein. Donc, là, ce que je vais commencer, par des... Oui, pardon. Je vais juste faire une petite oui. Donc, voilà. Alors, on va commencer par des généralités sur les freins à la communication. On va voir ça. Voilà. Donc, tout d'abord, les freins, c'est-à-dire ce qui va empêcher, quand on a un message à délivrer... Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ça, c'est valable quand on est face-face avec quelqu'un. C'est valable aussi quand on veut faire des actions à visée médiatique. C'est valable pour tout ce qui est en lien avec la communication, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, en gros, c'est être conscient de tout ce qui peut se jouer, de tous les... Et en fait, on va voir tout à l'heure que nous sommes bien peu de choses par rapport à tout ce qui se joue dans la communication. Et juste, moi, si j'ai un objectif, c'est qu'après, on se rappelle juste quand on fait nos actions qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Nous, on a notre responsabilité de tenir compte ou pas de certaines infos, mais en tous les cas, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Donc après, à nous d'en tenir compte ou pas. Et voilà. Donc dans un premier temps, on va voir les freins à la communication et puis ce qui peut aider. Et puis dans un deuxième temps, donc pourquoi, quand on est face à des personnes conscientes qu'il y a bien un problème à consommer les animaux, alors là, j'ai mis la consommation. Mais honnêtement, ça peut être n'importe, ça pourrait être la vivisection, ça pourrait être n'importe quel thème. C'est juste, c'est plus facile de garder un thème du début à la fin, c'est plus pratique. Mais ça pourrait être n'importe quel thème. Ça vous arrive certainement d'être parfois confronté à des personnes convaincues, mais pour autant qui ne passent pas à l'acte. Quand je dis convaincues, c'est-à-dire qui ne vont trouver aucune raison valable à vous opposer et qui vont même souvent vous dire « oui, je sais bien, mais il faut bien manger ». Voilà. Et ça, le « oui, je sais, mais il faut bien manger », c'est clair qu'il est absolument convaincu du problème, c'est juste qu'il ne passe pas à l'acte. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a ceux qui le formulent, il y a ceux qui ne le formulent pas, qui vont juste faire du cordon bleu parce qu'il n'y a rien de plus pratique, mais qui ne sont pas très contents de le faire quand vous discutez. C'est juste que c'est super pratique à faire quand on a une journée de boulot et il y a juste à ouvrir le truc et en général, le goût passe. Donc, tout le monde mange ça, les enfants, voilà. Donc voilà, ça c'est le... Alors, pour ceux qui avaient vu ma présentation de l'an dernier... Cette partie-là, en fait, j'ai repris les diapos de l'an dernier. Alors, je préfère vous prévenir, parce que ceux qui n'ont pas envie de revoir les diapos de l'an dernier, voilà, c'est pas une obligation de tout... Bon, ça peut être aussi une piqûre de rappel, ce qui n'est pas forcément mal non plus, parce qu'on a quand même tendance à oublier pas mal de choses. Et après, j'ai rajouté des diapos qui vont être plus avec des réflexions liées à des petits trucs, en fait, des trucs pratiques. Donc là, on va commencer par les freins à la communication. Donc tout d'abord, on a nos freins à titre individuel, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que dans la communication, ce qui compte, ça va être les mots, les phrases qu'on va utiliser. Mais en réalité, je pense qu'il faut être très humble avec ça, parce que c'est que 20% du message qu'on transmet. Donc vous pouvez avoir le message le plus percutant qui puisse exister et être complètement à côté de la plaque, parce que dans le même temps, ce qui va compter pour faire passer le message, ça va être le timbre de notre voix, enfin le timbre et la façon de le moduler, donc la voix en général, 30%, et dans 50% la gestuelle, le corps. C'est-à-dire, autrement dit, il y a la communication verbale qui intervient seulement pour 20%, et la communication non verbale qui est sur tout le reste, c'est-à-dire 80%. Donc, si on est sur un face-face, ça va être ça. Si on est sur de la presse écrite, c'est très différent. Du coup, quand on est en train de lire un écrit, forcément, ne vont pas intervenir ni la voix ni la gestuelle. Là, ça va être les mots. Mais inversement, si on fait une prestation télévisuelle, ça va être la totalité. Et vous pouvez avoir un super message. Si à côté de ça, dans votre corps, votre gestuelle ou votre voix ou les deux, vous dégagez le contraire de ce qu'il faudrait faire passer... C'est peu vendeur. Et puis, pour la radio, bien sûr, ça ne va pas compter, mais il va y avoir ça. Et moi, ce que j'aime bien dire à la radio, c'est idéalement, il faut vous entendre sourire. Même si, évidemment, on ne peut pas me voir sourire, ça peut être pas mal. Donc, ensuite, là, on se rappelle qu'il n'y a que 20% qui passent par les mots. Déjà, d'emblée. On va reprendre ces 20%. Qui passe avec les mots, on va les remettre là, et là il va y avoir d'abord ce que la personne écoute ou lit, parce que ça va être la même chose pour la lecture ou la radio, ce que l'autre écoute, et là ça va la descente de l'entonnoir, parce qu'en fait, alors idéalement, mais j'ai pas trouvé l'illustration du PowerPoint, mais idéalement il aurait fallu faire des flèches dans ce sens là Donc là, elles sont un petit peu décalées. Mais en fait, ça commence, voilà, parce que l'autre écoute. Après, parce qu'il comprend, ce qui n'est déjà pas la même chose. Il va y avoir une perte du message. Et ensuite, il y a encore une autre perte du message par rapport à ce qu'il va accepter. Et donc, même si ici, vous êtes super performant là, de par ces deux filtres ici qui ne dépendent pas de vous, on va se retrouver avec juste ce que l'autre va accepter. Donc on va voir par rapport tout à l'heure au fait d'accepter le message ou pas, justement on va voir ce qui peut être des freins à accepter les choses ou pas. Donc il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est les types de personnalité. Donc j'ai mis type de personnalité, mais en fait c'est un autre mot que j'ai mis après, mais peu importe. En gros, on divise les personnes, alors ça va faire réagir certainement des personnes, parce que bien évidemment on reste avant tout des individus, ça c'est évident, mais globalement on est divisé en 4 catégories. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes plutôt rationnelles, des personnes plutôt prudentes, des personnes plutôt intuitives et des personnes plutôt sensibles. Donc les codes couleurs, normalement, c'est rouge, bleu, vert, jaune. C'est juste que je n'avais pas les bonnes couleurs sur PowerPoint, donc je me suis adaptée. Donc voilà, ce qu'on appelle en fait les préférences cérébrales. C'est-à-dire que c'est lié au mode de fonctionnement du cerveau. Et ça, c'est un test que vous pourrez vous amuser à faire ce soir ou n'importe quand. C'est d'une part essayer d'identifier votre préférence cérébrale et puis celle de votre famille. Voilà. Et c'est un jeu qui est rigolo à faire et qui est assez facile à faire. Alors, vous avez le rationnel. Donc lui, ce qui va l'intéresser en termes d'information, ça va être les chiffres, les faits, les données. Lui, il va lui falloir des infos précises, claires. C'est-à-dire que si vous êtes, on va le voir tout à l'heure, un rouge qui va avoir tendance à parler, si vous êtes face à un bleu, ça peut poser problème. Donc c'est important, dans la mesure du possible, d'arriver à identifier à peu près à qui on a affaire pour essayer de coller le message. Sinon, l'autre, à un moment, il peut dire, ou il dit rien, puis il vous dit, j'ai un rendez-vous, je suis pressé. Ou vous avez la carte du site internet, ou voilà. Mais ça, c'est un moyen gentil de se débarrasser de nous. Et parfois, ça peut être juste parce qu'on n'est pas du tout en phase avec le mode de fonctionnement cérébral de l'autre. Alors, il y a aussi ces personnes-là vont aimer le côté comment les choses fonctionnent. Et puis, donc, en gros, rationnel, logique et réaliste. Donc, si on revient à l'exemple de la cause animale, les personnes comme ça. Si on parle de l'émotion, de choses comme ça, à mon avis, il y a peu de chances d'aller le toucher où il faut. Parce que ce n'est pas son mode de fonctionnement. Après, il y a le prudent. Donc le prudent, c'est quelqu'un qui aime la précision, les choses pratiques. Et ils se reconnaissent assez facilement... Mon mari, par exemple, il fait des listes pour tout. Il fait des listes. Voilà. Donc lui, il est clairement vert. Vous avez, au niveau associatif, moi, je les identifie assez facilement aussi parce que si on prévoit de faire une action, moi, de par mon mode de fonctionnement, je ne suis pas du style à faire une planification. Moi, je sais, je vais faire. Voilà, point. Vous avez des personnes qui vont faire des tables ou des trucs. Alors, telle date, voilà. Donc ça, c'est vert. Vous avez, ils aiment généralement les règles et les procédures. Et par contre, ils n'aiment pas les digressions. Ils détestent l'urgence et ils aiment la ponctualité. Donc des personnes comme ça, comme ils détestent l'urgence, genre vous le voyez dans la rue ou sur un stand ou peu importe où, et vous voulez le convaincre à tout prix alors qu'il a un rendez-vous. Mais c'est plié, quoi. C'est plié de chez plié. Parce que vous allez l'agacer, puisqu'il détestera, lui, l'idée même d'aller être en retard à son rendez-vous. Par contre, si c'est un rouge ou un jaune, ça ne posera pas forcément problème d'arriver en retard à son rendez-vous. Et donc, si on revient au végétarisme, cette personne-là, si on ne lui donne pas une marche à suivre, hein, parce qu'ils aiment la planification, etc., ce qu'ils vont avoir besoin, c'est un accompagnement. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à les convaincre, si on ne leur donne pas l'accompagnement qui va avec comment changer mes habitudes alimentaires, il ne fera pas. En tous les cas, beaucoup plus difficilement. Donc, ça nécessitera encore beaucoup plus d'efforts pour lui de changer que si on lui propose des docs bien structurés pour changer l'habitude alimentaire. On peut lui proposer des ateliers cuisine. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut proposer qui vont être dans l'accompagnement. Et donc, lui, ce qu'il va avoir besoin, c'est d'être rassuré. Comme il est prudent, il a vraiment besoin d'être rassuré sur la possibilité de le faire pour lui, à son niveau. Alors vous avez le sensible, donc globalement il va être extraverti, alors pas d'intention non déclarée, c'est-à-dire qu'il va dire clairement, s'il y a quelque chose qui le chiffonne, il va le dire. Quoi. Il va pas, si on prend le cas d'un échange sur une action militante, s'il n'est pas d'accord avec ce que vous dites, il va vous le dire. Alors que d'autres peuvent garder ça en tête sans vous le dire, et du coup vous êtes à côté de la plaque mais vous ne le savez pas. Donc ça c'est le bon côté, c'est qu'on sait. On sait à peu près où il se situe. Donc c'est quelqu'un qui aime les contacts humains, il aime bien les anecdotes, les histoires personnelles, et il a du monde. Et sinon, c'est quelqu'un aussi qui fait preuve d'empathie et qui donc va mesurer les effets de sa propre existence sur l'existence des autres, en tous les cas de ses actes. Et donc il écoute, il comprend, il est émotif et il ressent. Donc là, par contre, avec un profil rouge, ça peut être intéressant de communiquer plus sur, on parlait d'éthologie, on parlait de vie émotionnelle des animaux, des choses comme ça. Là, probablement qu'on a plus de chances, lui, d'aller le toucher avec ceci. Et inversement, comme c'est quelqu'un qui aime les contacts humains, l'humour, etc., si vous êtes face à lui et que vous lui présentez un visage fermé, pas d'humour, fermé de chez fermé, il va se sentir très mal à l'aise. Alors, c'est le cas notamment si on est un bleu, par exemple, ou un vert, parce que globalement, on est beaucoup le bleu, le vert un petit peu moins. Mais c'est juste pour dire que, quelle que soit notre propre couleur personnelle, être conscient de ces enjeux-là, ça nous permet, nous, de nous adapter. Voilà. Si on est quelqu'un pas très fort sur les contacts humains, si on est face à quelqu'un manifestement qui est très contact humain, il y a deux possibilités. Soit on est dans une équipe, lors de l'action, on peut demander à quelqu'un qui est rouge dans l'équipe de prendre le relais. Mais si on est tout seul, on peut aussi être conscient et essayer d'adapter notre propre comportement pour être plus en phase avec cette personne rouge. Et puis, il y a normalement le jaune, mais que j'ai mis en caramel. Donc, l'expérimental. Donc, lui, il est intuitif. Pour le végétarisme, c'est du pain béni. Hein. On va le voir. Parce qu'il aime bien faire les nouvelles expériences. Il est curieux, il désobéit aux règles. Il est aussi stratégique à long terme, etc. Et il prend des risques. Il aime la joie, etc. Il est créatif, il est drôle, imaginatif. Et c'est quelqu'un qui va préférer les métaphores, les concepts, les vues d'ensemble, la philosophie. Il est ouvert, il a l'esprit de synthèse. Donc là, moi, si je veux vendre du végétarisme, c'est clair que c'est celui-là où j'ai, à mon avis, le plus de facilité. Pourquoi ? Alors, d'une part, parce que je suis jaune, donc forcément, ça aide. Mais surtout parce que c'est quelqu'un qui aime faire des nouvelles expériences. Et ce qui bloque beaucoup, on va le voir tout à l'heure, pour changer ses habitudes, c'est justement la peur du changement. Le changement peut faire peur, souvent d'ailleurs. Donc là, déjà, on n'aura pas cette peur à lever. Donc c'est très pratique pour nous. La cuisine qu'on ne connaît pas, la gastronomie qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur. Comme c'est quelqu'un qui a tendance à être expérimental, à faire plein d'expériences, ça ne va pas lui poser de problème. Au contraire, il va être content de goûter des nouvelles choses, des nouvelles épices, des nouvelles herbes, etc. Et comme il préfère les métaphores, Et bien, ça peut être intéressant dans la communication d'utiliser des métaphores. Du style, si on parle d'environnement, mieux vaut un végétarien en 4x4 qu'un omnivore en vélo. Alors, on est en plein dedans, là c'est très... pour lui, ça va être très visuel et ça sera plus percutant que de rentrer dans tous les chiffres. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas donner un petit peu de chiffres quand même. Parce qu'il faut quand même pouvoir étayer notre affirmation. Mais en tous les cas, je pense que ça peut, lui, généralement plus facile à... parce qu'il n'aura pas la peur du changement. Alors, moi, bien sûr, là, ce que je vous ai donné, c'est des préférences cérébrales. En général, on en a une qui prédomine, et on en a une seconde qui est assez importante aussi. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des caractéristiques des autres couleurs, hein. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est juste une histoire de prédominance. Alors là, c'est plus, je vais passer parce que c'est pas terminé. Donc maintenant, quelles peuvent être les aides à la communication ? Donc d'une part, faire preuve d'empathie, c'est en fait fondamental. Parce que se mettre en empathie, ça va nous permettre de nous mettre à la place de l'autre. Et donc, de déjà envisager ce qui peut être un problème pour lui. Et si on n'est pas conscient des blocages et des besoins de l'autre, on ne pourra pas l'emmener là où on a besoin de l'emmener. Donc l'empathie, donc, qui va permettre de créer un climat de confiance, qui est fondamental si on veut pouvoir faire un dialogue, connivence, et donc, puis bien sûr, être calme, posé, ouvert, plutôt que de faire un monologue où on va avoir tendance à dire la totalité de tous nos arguments, mais c'est ce que je vous dis là, c'est pas, ça se fait, on n'arrive pas à le maîtriser du jour au lendemain. Hein. C'est assez difficile parce que très vite le naturel revient au galop et très vite quand quelqu'un nous fait une objection, on a envie de vite répondre à l'objection. Puis on va voir tout à l'heure que c'est pas le bon, pas forcément le plus efficace. Donc c'est le comprendre, le regarder avec bienveillance. c'est vraiment partir du principe que ce qu'il fait, il le fait au mieux. Alors, ce qu'il fait, ça ne nous plaît pas, clairement, sinon on ne chercherait pas à le faire changer d'option, mais lui, il fait avec ce qu'il a, et comme il faut. Donc, lui laisser son espace vital. Alors, j'avais mis faire des gestes ouverts, mais je ferai un bémol quand même. Parce que si vous êtes face à une personnalité qui n'est pas du tout avec des gestes, là, il faut vous adapter. Il faut éviter d'être comme ça. Si vous êtes face à quelqu'un, là, clairement, on va lui marcher sur son territoire. Donc là, on va retomber, hein, vous rappelez, dans les 50% liés à la gestuelle. Donc là, ça peut poser des gros problèmes. En fait, les gestes ouverts, c'est quoi? C'est quand vous êtes sur un stand, ne pas croiser les bras. Mais ça, même pour quelqu'un qui a besoin de son espace vital de façon très importante, vous êtes comme ça, vous êtes fermé. Vous n'êtes pas ouvert à la communication. Et ça, c'est très difficile parce que sur un stand, quand on y est un certain nombre d'heures, moi, j'ai cette tendance-là, pour me soulager, à hop. Donc, vraiment éviter. Voilà, c'est avoir les mains ouvertes, pas forcément des grands gestes, mais en tous les cas, pas fermé sur soi. Donc, le sourire, ça j'en ai parlé un petit peu. Alors, surtout pour nous, avec la cause animale, et je vais reprendre le cas du végétarisme. Alors, j'ai oublié de préciser, quand je parle de végétarisme, quand je dis végétarisme, j'entends végétarisme, végétalisme et véganisme. C'est juste que c'est plus pratique de dire un seul mot. Mais très souvent, les idées reçues sur le végétarisme et les végétariens, c'est... Ouais, c'est des mauvais coucheurs, des empêcheurs de s'amuser en rond, des coincés, des etc., des etc., des etc. Ça, il y en a beaucoup comme ça en idées reçues. Je n'irai pas plus loin dans les mots, parce qu'après, c'est plus des gros mots. Mais en tous les cas, le sourire va permettre déjà de montrer qu'on peut être sensibilisé à la cause animale et pour autant, on peut être pas triste. Donc l'idée, c'est dans l'attitude, donc de dire je suis bien dans ma peau et je me sens bien avec vous. Et ça, bien sûr, c'est valable en face-face, mais c'est aussi valable à la radio lors d'une interview ou à la télé. Voilà. C'est juste avec l'écrit où ça va être un petit peu plus difficile à faire passer. Et puis très important, le non-verbal, c'est-à-dire toutes les attitudes et la voix, en fait, c'est ce qui va passer le plus vite que les mots. Donc si on se loupe sur le non-verbal, on a peu de chance après que les mots soient entendus, en fait. Alors oui, toujours pareil pour les stands, normalement, idéalement, il ne faut pas se mettre assis, mais pareil, hein, quand vous êtes à votre troisième jour de stand, il y a un moment, on finit par s'asseoir. Mais idéalement, c'est bien de rester debout. Alors, ici, moi, j'ai regroupé, vous avez des personnalités... Très facile pour nous quand on est en face-face, ce qu'on appelle les personnes ouvertes et qui parlent facilement. Alors pourquoi elles sont faciles? D'abord, si elles sont ouvertes, elles vont être forcément plus en possibilité de recevoir ce qu'on aura à lui transmettre. Mais le fait qu'elles parlent facilement, ça c'est génial. Parce que plutôt que nous parler, ce qui va compter c'est de l'écouter. Et elle va nous dire un certain nombre de choses qui va nous permettre d'adapter ce qu'on a à lui dire après. Et ça évite d'être à côté de la plaque. Je vais prendre un exemple assez caricatural. Je parle de... Oui, alors, faut pas... c'est pas bien de manger les animaux parce que par rapport à l'éthique, les problèmes posés, nanana. Et si je suis face à une personne qui se contrefiche de l'éthique animale, de même qui peut-être se contrefiche de l'éthique avec les autres humains... mais qui par contre est très intéressée par sa santé personnelle, si je l'ai laissé parler avant, d'une part je vais gagner du temps, et ça c'est vachement bien si l'autre n'a pas beaucoup de temps, ça évite de repartir en revoir sans avoir eu le temps de dire quoi que ce soit, et puis surtout on va rentrer beaucoup plus vite en communication, c'est-à-dire d'aller là où l'autre se situe, parce que de toute façon je n'ai pas les moyens moi de le faire venir sur mon terrain sans tenir compte de ses besoins à lui. Parce qu'en lui, ouais, enfin, en gros, c'est juste que on a tous des besoins. Et tous les besoins ne demandent qu'une chose, c'est d'être comblé, c'est pas le mot, mais d'être satisfait, voilà, assouvi, satisfait. Enfin, et donc, si la personne en face de vous, elle a un besoin, mais qu'en fait, vous n'entendez pas ce besoin, vous allez partir sur autre chose. Il va être frustré. Donc déjà, il n'est plus dans l'écoute, hein, il n'y a plus de communication, c'est terminé. Et puis, en fait, on est à côté de la plaque. Parce que ce qui compte, c'est quand même d'ouvrir le dialogue. Donc voilà, donc ces personnes-là sont vraiment très intéressantes pour nous parce qu'on identifie très facilement leurs besoins. Ah oui, puis autre chose importante que j'ai oublié de dire et qui ne doit pas être sur une diapo, ce que je voulais faire, j'ai oublié, c'est que quand on fait une action, quelle qu'elle soit, de terrain ou médiatique, c'est vraiment garder en tête que c'est pas avec une seule action qu'on va faire changer l'autre personne. Et ça, c'est très important d'avoir en tête. Sinon, on peut, nous, se frustrer parce qu'on ne va pas arriver là où on veut arriver. Et du coup, ça peut nous démotiver, etc. Mais en réalité, une information, avant qu'elle soit intégrée, il faut une moyenne de 7 fois. Avant, c'était moins, mais on vit maintenant dans une société d'hyper surinformation. On est percuté de plein d'infos de toutes parts. Donc, ça rentre là et immédiatement, c'est oublié. Donc voilà, en moyenne, on considère que c'est 7 fois. Ça peut être une seule pour certaines personnes, mais elles sont rarissimes. Et ça peut être 30 pour une autre. Mais la moyenne, c'est 7. Et donc, gardez bien ça en tête. Parce que quand on a ça en tête, ça permet d'être conscient qu'on va être juste un rouage des 7. On n'a pas le pouvoir d'agir. Alors, sauf si on est le numéro 7. Là, on n'a plus qu'à moissonner. Voilà. Si les 6 autres. Alors, les 6 infos précédentes, ça peut être une image choquante sur une affiche, ça peut être. Tiens, il est allé à un mariage végétarien, c'était super bon, ou un repas végé, c'était super bon. Ça peut être avoir lu un article comme quoi manger de la viande, c'est pas bon pour la santé. Ça peut être. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont juste stockées dans un coin de la mémoire. Et il y a un moment, quand il y a l'info qui va venir au bon moment, paf, ça y est. Et là, généralement, ben, c'est les personnes qu'on pense sur le coup adhérer tout de suite à ce qu'on leur dit. Mais en réalité, il y a eu très probablement plein d'autres étapes avant qu'on ne sait pas. Alors, les personnalités difficiles pour nous, qu'on appelle personnalités de blocage, donc ça va être les personnes ironiques. Parce que là, quand vous êtes face à quelqu'un d'ironique, ben c'est très difficile quand même de pouvoir communiquer de façon un minimum sérieuse. Donc les personnes fermées, qui ne répondent pas aux questions. Donc là, si vous posez des questions pour mieux savoir à qui vous allez faire et qui ne répond pas aux questions, ben, vous êtes obligé de supputer parce que vous n'avez pas d'éléments. Et les fermés parce qu'ils ne parlent pas. Ça nous arrive aussi d'être face à des personnes qui ne parlent pas du tout. Là encore, on manque d'infos pour savoir à qui on a affaire. Et les bénis oui-oui. Moi, c'est les pires, ceux-là, les bénis oui-oui. Les pires parce que quand on est militant débutant, ce fut mon cas il y a très longtemps, quand j'étais très jeune, eh bien, je croyais que c'était les plus faciles. Eh bien non, ce sont les plus difficiles. Parce que là, vous n'avez pas d'armes. Enfin, pas d'armes, pas de... Et vous allez tout ce que vous allez dire à Louis, ah ben oui, non, mais c'est vrai, les animaux souffrent, c'est terrible. Oui, c'est vrai, c'est terrible, la mise à mort, oui. Mais je continue d'en manger. Et ceux-là, ils sont vraiment difficiles. Et les ironiques, j'ai oublié de le préciser, mais ça peut être un moyen de défense. On va voir pourquoi. Et à la limite, les moyens de défense, pour nous, c'est plutôt bien, parce que ça veut, c'est pas de l'indifférence. Donc, les aides à la communication... Alors là, évidemment, c'est quand on est en face-face, parce que c'est vrai que si c'est une interview, encore que, même en interview, en fonction des questions posées, l'écoute va être fondamentale aussi. Mais en l'occurrence, en face-face, être à l'écoute, c'est encore une fois très très important, parce que ça va nous permettre de récupérer des éléments qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour aborder ce qu'on a à aborder. Et puis donc le sourire, hein, ça je l'ai dit. Et surtout, le plus gros frein ici, ça va être de parler de soi. Et ça, on a quand même beaucoup cette tendance. C'est que quand on échange avec quelqu'un, il va nous parler de quelque chose et immédiatement, on va rebondir sur nous. Et je pense qu'on a tous cette tendance-là et elle n'est pas facile à gérer. Mais pour autant, si on est Voilà, si on revient toujours à nous, ben on va casser la communication. Et en plus, l'autre en face, il risque de se sentir bien frustré. Alors là, maintenant, voilà, on va revenir à ce que j'avais abordé l'année dernière, c'est-à-dire pourquoi des personnes qui sont déjà conscientes des problèmes éthiques continuent pourtant de consommer des produits animaux. Donc là, l'idée, c'était de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui interviennent dans ce choix, puisqu'il s'agit d'un choix, et qui interviennent avec les valeurs de la personne. Et là, ça va être le cas du béni oui-oui, qui va être d'accord avec, c'est vrai que c'est affreux de manger les animaux, c'est affreux les conditions des vaches, c'est affreux l'abattage, c'est affreux les transports, tout est affreux, mais je continue de manger. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici, c'est quelles sont les choses qui pourraient entrer en ligne de compte. Donc là, ici, ce que j'ai listé là, ça concerne le végétarisme. Alors, ce qui va être commun avec un certain nombre d'autres sujets, ça va être la remise en question personnelle. Parce que pour pouvoir changer un comportement, il faut déjà réfléchir au comportement actuel, le réévaluer, accepter de l'évaluer, de voir si au fond il est adapté ou pas avec mes valeurs, et si dans un sens ou dans l'autre, je ne vais pas faire les mêmes choix. Ensuite, vous avez le conflit de loyauté. En général, c'est envers les parents. Ça peut être envers un autre proche. En général, c'est une personne qui va nous être très proche affectivement. Et ça concerne beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Parce que quand on fait le choix de dire « je ne mange plus les animaux parce que je ne veux pas cautionner ce que l'on fait subir aux animaux », c'est quand même inconsciemment une façon d'accepter que nos propres parents ont été à l'origine de mises à mort volontaires. Parce que on sait parfaitement que c'est pas possible que nos parents ne le savaient pas qu'il fallait tuer ou faire tuer un animal pour le manger. Et donc délibérément, nos parents l'ont fait. Et vous avez des personnes pour qui c'est pas un problème de remettre en question l'éducation parentale. C'est notre cas ici à tous. Mais vous avez des personnes pour qui c'est même pas envisageable. Carrément. Parce qu'ils auraient l'impression d'une part de trahir leurs parents, mais en plus de les accuser de meurtriers, c'est-à-dire l'image parentale est tellement à ce moment-là ternie qu'ils ont un tel besoin de garder une image parentale parfaite qu'ils ne vont pas y aller, quoi. Et autrement, il y a aussi le déni pour se protéger. Donc ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas parlé l'année dernière. On va voir après. Et puis, les peurs d'exclusion. Les peurs d'exclusion. Alors, ça va petit à petit être moins le cas maintenant parce que le végétarisme, quand même, commence au niveau médiatique à être de plus en plus abordé. Moi, il y a quand même très, très longtemps qu'on ne m'a pas embêté par rapport à mon végétarisme au quotidien. Mais vous avez des personnes pour qui elles vont avoir... Si c'est des personnes, par exemple, qui ont l'habitude de faire très souvent des repas avec des amis, avec au travail ou n'importe où, mais en tous les cas, des repas. Et là certaines personnes vont se dire « je peux pas renoncer à ces moments conviviaux. J'ai trop besoin de ces moments conviviaux. » Et là, on revient à la notion de besoin. Et donc, si cette personne ressent... Parce que là, on n'est pas dans l'intellect, on est vraiment dans le ressenti. Si cette personne ressent que son besoin, c'est la convivialité, de ne pas laisser tomber les amis avec qui il partage des barbecues ou des bidoches, si son besoin-là est plus fort que le besoin d'être en accord avec l'éthique qu'il aimerait avoir, on peut avoir un blocage. Mais on peut avoir des leviers d'action, hein. Par exemple, si on prend la convivialité, les leviers d'action, ça peut être communiquer être végé, c'est aussi de la convivialité. Nous, sur Nantes, il y a régulièrement, d'abord tous les mois, il y a des rencontres conviviales, il y a aussi des pique-niques végé, il y a des barbecues végé. L'idée, c'est de casser les idées, et bien sûr, les non-végés sont tout à fait invités. Mais pour certains, c'est quand même un frein qui est important. Il y a aussi, je l'ai mis où, la virilité, je ne le vois pas là. Parce qu'il y a aussi pour les hommes le côté je vais perdre ma virilité. Donc ça peut agir aussi. Et là encore, dans une peur irrationnelle. Donc une peur irrationnelle, on ne peut pas la lever avec des arguments rationnels, ce n'est pas possible. C'est comme la peur de perdre la convivialité ou, j'ai oublié de le dire, mais le plaisir gustatif. Parce que c'est énorme, le choix de l'alimentation pour le plaisir gustatif, c'est même le premier critère de choix, le plaisir. Donc, si le besoin est là, c'est pas avec des arguments rationnels, on va avoir beaucoup de difficultés. On va avoir très certainement besoin d'autres arguments pour aller petit à petit piocher ici. Donc, vous avez la difficulté, bien sûr, de changer les habitudes. Donc, ça, c'est... Ça, c'est aussi un gros pan, parce que changer une habitude quotidienne, il n'y a rien de plus difficile. Même une habitude basique, hein. Basique de chez basique, on a tous nos habitudes. Très souvent, on a notion que ce serait bien de faire différemment un truc. Puis on ne fait pas. On continue. Et pourtant, on sait au fond de nous que ce serait bien de le faire. Ben ouais, mais... J'ai cette habitude-là et je ne me vois pas la larguer. Mais en général, ce n'est même pas conscient. C'est juste que si on n'a pas fait l'acte, c'est parce que ça nous semble inconsciemment ou consciemment, mais en tous les cas, ça ne semble pas envisageable. Et puis, les idées reçues concernant la santé. Donc là, si vous avez quelqu'un qui est archi convaincu de l'argument éthique, mais qu'au fond de lui, il est persuadé que s'il ne mange pas des produits animaux, il va être malade, et qui risque à terme sa vie, à part ceux qui ont fait vœu de sacrifice, d'offrir sa vie. Enfin, moi je faisais partie de cela. C'est-à-dire qu'il y a 23 ans, tout le monde me disait, tu vas être malade, gna. Moi, je répondais, oui, bon, ben, d'accord, mais je ne vois pas en quoi ma vie, elle a plus de valeur que celle de tous les autres que je vais tuer avant. Mais là, on est déjà dans un certain cheminement, mais cela dit, avant d'en arriver là, j'ai commencé par acheter de la viande labellisée, je ne suis pas venue là tout de suite. J'ai commencé par acheter de la viande non issue d'élevage industriel. Puis après, petit à petit, le cheminement s'est fait. Mais ça, c'est important aussi, parce que vous avez beaucoup de personnes qui ne passeront pas à l'acte si elles pensent que ça va être mauvais pour leur santé. Et donc voilà, en fait, en gros, c'est probablement que de parler des choses qui n'ont rien à voir avec l'éthique animale vont aider à arriver à faire la personne à, par la suite, à envisager l'éthique animale. Et ça, j'ai rencontré régulièrement des personnes, au début, lors des discussions, lors des stands ou n'importe quoi d'autre, c'était des personnes, par exemple, qui étaient intéressées que par l'environnement ou que la santé. Donc, ben, que cela ne tienne, hein, je parlais de l'impact santé ou environnemental de la consommation de viande et de poissons, etc., et assez régulièrement, je les ai retrouvées les années suivantes, elles-mêmes carrément militantes pour la cause animale. En fait, c'est juste qu'elles avaient besoin, peut-être pour un conflit de loyauté, peut-être. Elles avaient besoin d'un autre argument pour changer ses habitudes. Si c'est un conflit de loyauté, ben, vous vous souvenez, c'est-à-dire le refus de se dire que ses parents n'étaient pas parfaits, le refus de se dire que ses parents étaient au fond des assassins, ben là, j'ai peut-être plus de chance avec des arguments écologiques s'il est intéressé par l'écologie, ou santé s'il est intéressé par la santé, ou la découverte d'une autre cuisine si c'est quelqu'un qui est très gourmand, enfin, etc. J'ai des chances là d'aller sur une ouverture, de le faire changer ses habitudes. Il ne va pas être complètement végé, mais il aura déjà commencé à expérimenter autre chose. Et à ce moment-là, de lui-même, il va pouvoir s'autoriser à aller sur le reste de la réflexion parce qu'il a déjà changé ses habitudes. Et que le plus dur a été fait, en fait. Donc voilà, donc en fait, prendre toutes les modes d'action possibles. Donc, est-ce qu'au fond, ça peut être un plus pour faire avancer nos messages, et en quoi ça peut être un plus? Donc, probablement que même si on n'arrive pas toujours à les faire arrêter complètement la consommation de produits animaux, même s'ils ne font que diminuer, pour nous, de toute façon, c'est déjà très important parce qu'ils vont contribuer, par le fait d'exister dans leur propre entourage, à faire goûter des plats végés, à donner d'autres, déjà casser l'idée que chaque plat égale obligatoirement viande ou poisson. Donc déjà, même s'il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche, de toute façon, il nous aidera. Et puis alors, on ne peut pas exclure qu'il ira, il peut aussi aller au bout de la démarche, au bout d'un moment. Donc là, on va regarder plus précisément les blocages psychologiques. Donc avec la remise en question personnelle, le conflit de loyauté envers les parents, bah du coup, je suis allée un peu plus vite sur ce qui était prévu, donc là, j'ai déjà fait. Et puis le déni, voilà, ça, c'est le déni, c'est un truc que je n'avais pas l'année dernière. Donc, la remise en question personnelle, qui nous parlait de ça ce midi? Je crois que c'est toi qui nous disais ce midi que ça a été très difficile quand tu t'es rendu compte que les animaux souffraient pour la mise à mort, etc. C'était déclenché. Voilà. Et en fait, en fait, il y a un moment, tu as pris conscience que, en fait, parce que ce que tu dis, moi, ce que tu as dit tout à l'heure, tu peux le dire. J'avais été moulinée par le langage, on a fait des progrès, la bataille de son douleur, ils sont bien élevés, etc. Et j'avais manqué de curiosité. Quand j'ai vu les chocs des images, c'est vrai que ça a été radical. Il n'y a pas eu besoin de passer par les autres étapes. À la limite, on m'aurait dit que ça nuisait à ma santé, je le faisais quand même. Ouais. Oui, bah, comme moi à l'époque. Parce que nous, il se trouve que notre porte d'entrée à nous, c'est l'éthique. Ça dépend de quelle est notre porte d'entrée, en fait. Mais en tous les cas, à un moment, renoncer à la viande, c'est quand même... On est obligé, pour renoncer, de reconnaître que jusqu'à présent, on l'a fait. Parce qu'on ne peut pas changer si on ne reconnaît pas la chose existante. Et donc, vous avez en fait un certain nombre de personnes pour qui ce n'est pas possible. Et qui vont préférer rester en déni parce qu'elles ne peuvent pas accepter de reconnaître que pendant toutes ces années, elles ont été responsables de tant de souffrance. Et je me rappelle d'une dame que j'ai croisée sur un stand qui était végé depuis, je crois, un an. Je dis alors, comment ça se passe et tout. Je pensais qu'elle allait me dire super, hein, comme en général, c'est ce qu'elle nous a dit. Puis là, catastrophe, pas du tout. Et en fait, elle était bourrée de culpabilité parce que pendant toutes ces années, elle était au courant. Elle les avait eues, toutes ces infos. Parce qu'en plus, elle était genre une association de chiens et chats, je ne me rappelle plus très bien, mais elle les avait eues, toutes les infos. Et pourtant, elle avait continué. Et là, elle n'arrivait plus à vivre. Depuis un an qu'elle avait franchi le pas, elle n'arrivait plus à vivre avec cette culpabilité d'avoir participé à toute cette horreur avant. Et du coup, moi, sur ce coup-là, je lui ai juste dit, écoutez, la culpabilité, vous la ressentez, mais ça ne va pas aider les animaux qui continuent de souffrir aujourd'hui. Et donc, ce que je lui ai proposé, c'est d'aider les associations, soit par du bénévolat, soit de l'argent, et en tous les cas, du coup, de passer en mode réparation. Et du coup, elle était super contente. Mais en tous les cas, vous avez des personnes qui perçoivent de façon inconsciente ça, et qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Parce qu'arrêter arrêter, c'est se retrouver tout en pleine face, quoi. Donc... ça c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Et donc, pour ne pas s'accuser, on peut mettre en place un mécanisme très simple, c'est-à-dire que le plus simple pour ne pas être accusé, c'est de dire il n'y a pas de crime. S'il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'accusation. Et donc, du coup, voilà, on ne va rien changer, on va continuer comme si de rien n'était. L'exemple que j'avais pris... Donc ça vient du livre de psychologie sociale du crime de Philippe Laporte qu'on peut télécharger sur internet gratuitement. Moi j'ai trouvé vraiment très intéressant et notamment on peut prendre l'exemple avec un acte d'atrocité qui se fait envers les humains, c'est l'excision. Évidemment que les mamans qui emmènent leur fille faire ça, évidemment qu'elles le savent que c'est terrible puisqu'elles l'ont subi elles-mêmes. Elles ne peuvent que le savoir, pourtant elles le font. Alors, il y a le poids de la tradition, il y a tout ça, mais il y a aussi le fait que en perpétuant cette chose-là, ça évite de, là encore, d'accuser sa propre mère de nous l'avoir imposée. Et si on est éduqué dans le culte des parents qu'on doit respecter, qu'on doit Ouais, respecter, je dirais même plus avec une dimension sacrée, même, hein, le côté, mais tu te rends pas compte, ta mère, celle qui t'a mise au monde, gna gna gna. Donc là, on peut rentrer carrément dans une sacralisation, donc l'impossibilité d'aller dans une certaine mesure dire ce que tu m'as fait là, c'était insupportable. Et donc, sauf que si on le fait pas à notre fille, même si je le dis pas à ma mère, ce que tu m'as fait, c'est insupportable, elle va se le prendre quand même. Inévitablement, elle va interpréter mon geste de ne pas exciser ma fille comme, mais c'est pas possible, quoi. Elle va se sentir très très mal avec ça. Et ça arrive bien sûr pour la consommation de produits animaux, hein, quand on fait nous l'acte de ne plus participer à ça. Parfois dans les familles, ça peut lever des sacrés blocages. Parce que les parents ne supportent pas d'être mis en accusation, même s'il n'y a eu aucune accusation formelle de dite, c'est quand même bien comme ça qu'ils vont le ressentir. Et donc en fonction des relations familiales, dans certains cas ça se passe très bien, il y a même des parents qui peuvent devenir végé par la suite, mais dans certains cas ça peut donner lieu à des conflits terribles. Donc par rapport à la remise en question personnelle, est-ce que finalement la situation est toujours bloquée, ou est-ce qu'on peut avoir d'autres leviers? Ça, j'ai un petit peu abordé tout à l'heure pour l'autre point, mais voilà. En gros, moi, ce que je me suis aperçue au fur et à mesure des actions, c'est que globalement, les arguments, enfin la préoccupation écologique, c'était un petit peu plus les hommes, et la préoccupation santé un peu plus les femmes. Mais attention, hein, c'est pas figé, parce que j'ai vu bien des hommes se préoccuper de leur santé et bien des femmes se préoccuper de l'environnement. Mais assez schématiquement, plus d'un homme est devenu végétarien au départ par du questionnement. C'était quelqu'un qui était écolo, machin, et donc donne des infos. Et du coup, généralement, il commence par diminuer, voire arrêter. Et puis après, c'est bizarre, mais on les entend parler de choses concernant les conditions d'élevage, les conditions, voilà. Alors qu'au début, il n'en était pas question. Et pareil pour les femmes par rapport à la santé. Donc là, ça rejoint de toute façon la même chose que tout à l'heure. Et je pourrais rajouter la cuisine gastro, la curiosité culinaire. Je connais un végétarien, lui, il est devenu végé exclusivement pour le côté cuisine. Parce que c'est quelqu'un qui était qui aime bien la cuisine, c'est comme ça que lui, il est devenu, puis il est devenu invitant. Mais au départ, c'était que pour la cuisine. Mais en tous les cas, je dirais que c'est que pour la cuisine, de façon probablement avouable. Et de la même façon que ça peut être que l'environnement ou que pour la santé, peut-être de façon avouable. Mais probablement qu'au fond d'eux, il y avait autre chose, c'est juste qu'ils ne se permettaient pas d'y aller. Voilà, donc en fait, moi, c'est ce que j'ai appelé des alibis. Hein. C'était un petit peu comme si un certain nombre de personnes avaient besoin de ces alibis pour pouvoir se remettre en question avant de plutôt que d'être dans le frontal. Donc ensuite, ça je l'ai déjà dit, donc je passe. Ça je l'ai dit aussi. Le conflit de loyauté, vu que j'ai déjà abordé, je ne vais pas revenir avec cette nana. Ça je l'ai dit. Ça je l'ai dit aussi. Donc voilà. C'est un petit peu le. C'est d'une part s'accuser qu'on a nous-mêmes été facteurs de souffrance en achetant de la viande, mais c'est donc aussi accuser ses parents et l'éducation qu'ils nous ont donnée par rapport à cela. Donc ça, je l'ai dit, le fait de ne rien changer pour ne pas être face à cette réalité. Alors, est-ce que la situation est toujours bloquée? Alors, pas forcément, on l'a vu, puisqu'on sait que ça résume un petit peu, c'est-à-dire qu'on sait inconsciemment que les parents ne pouvaient que savoir qu'ils étaient originaires de mise à mort pour nous ramener notre steak ou notre saucisse. En revanche, on peut tout à fait accepter que nos parents n'étaient pas au courant des problèmes pour la santé de manger trop de produits animaux, voire d'en manger un peu, puisque ça aussi on sait qu'il y a déjà un impact même avec une petite consommation. On sait intuitivement que nos parents ne sont pas censés savoir que c'est mauvais pour l'environnement, mais voilà. Mais par contre, on sait intuitivement qu'ils ne pouvaient que savoir qu'il faut tuer. Et j'ai oublié tout à l'heure de rajouter un lien, mais qui est important aussi, hein, c'est les grands-parents. Hein. C'est-à-dire, si on prend nos parents à nous, bah, eux-mêmes, surtout qu'à l'époque, la génération d'avant, ils avaient vraiment le culte parental qu'ils devaient respecter, qu'ils devaient... il n'était pas rare de vous voyez ses parents. Donc là, c'est encore plus difficile à ce stade-là. Et ça peut aboutir parfois dans des familles, peut-être, à des cas de conflit, c'est-à-dire quand nous, on devient végé, et ben, dans certains cas, les parents peuvent, de façon inconsciente, mais en mémoire de leurs propres parents, rentrer en conflit ouvert avec leurs enfants qui ont fait ce choix végé. Donc ça, je l'ai dit aussi. Voilà, donc ça. Donc ça, je l'ai dit, voilà. Donc en gros, là maintenant, on va passer à un autre mode de défense qui est le déni. Et tout choix que l'on doit faire, avant de faire un choix, de toute façon, on va toujours peser le pour et le contre si je fais ce choix. Toujours. Donc... parfois, c'est consciemment. Si on doit acheter une maison, là, évidemment, ça va être conscient. On va peser tous les pour et tous les contre. Mais là, en l'occurrence, c'est généralement inconscient. Alors, admettons que je suis une personne qui est convaincue qu'au plan de l'éthique, c'est horrible de manger les animaux. Je le ressens, j'en suis convaincue. Mais, dans l'autre côté de la balance, si je veux continuer vivre en insouciance, si je ne perçois pas qu'il y a une solution possible à ce problème-là, une solution envisageable et facile à mon niveau. Parce que si la solution c'est végé, végé c'est vachement dur. Si c'est ça que je perçois, je vais rentrer dans ce mécanisme-là. Parce que là, moi, je ne me projette absolument pas d'être végé pour telle et telle et telle raison. Trop difficile. Et donc dans ces cas-là, je vais rentrer dans le déni. Ce qui va me permettre, c'est le déni, c'est-à-dire, ben non, mais en fin de compte, c'est pas si horrible que ça, ni rien. Et puis en gros, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, hein, c'est de la faute de ceux qui tuent, c'est de la faute de ceux qui vendent. Mais c'est pas de ma faute. Et donc du coup, ça va me permettre de survivre, puisque pour pouvoir survivre, il faut quand même être capable de se regarder un minimum en face tous les matins. Donc d'être dans le déni, ça me permet de continuer de me regarder en face. Si je me voile la face, il n'y a plus de problème. Et donc voilà. Mais en fait, non, c'était bien dans ce sens-là qu'il fallait le faire. Je me suis trompée. Donc, c'est d'abord pas de solution perçue à la problématique. Donc, qu'est-ce que je fais si j'ai pas de solution perçue? Je me voile la face. Ça m'évite de me sentir mal. Et comme je me voile la face, je peux continuer de vivre de façon insouciante. Donc, survivre, en fait. Donc, la peur de l'exclusion sociale, donc c'est la peur de sortir de la norme. Là, selon un sondage du quotidien du médecin il y a quelques années, ils avaient demandé au panel quels sont les critères qui font que vous allez changer votre alimentation. Donc il y avait 70% le plaisir, 20% l'environnement, non pardon la santé, et 10% l'environnement. Donc on peut supposer que la cause animale peut rentrer dans les 10% de l'environnement. C'est-à-dire en gros, si je résume, il y a seulement un Français sur 10 qui choisit son alimentation en fonction de l'éthique, que l'éthique soit animaliste ou environnementale. Mais en tous les cas, il n'y a qu'un sur 10. Et en fait, plus les motivations vont être éloignées de l'égoïsme, et moins elles sont répandues. Ce qui se passe, c'est qu'aussi la société de consommation, elle, de son côté, va formater à être comme les autres. Et donc, voilà, la peur de s'isoler socialement fait qu'on ne va pas forcément faire ce choix-là pour ne pas être en rupture sociale. Et donc là encore, on va retrouver toujours le système de balance entre ce que je perçois au fond de moi que je devrais faire, mais que je ne vais pas faire parce que je vais être en zone d'inconfort. Donc là, on l'a vu, c'est la rupture familiale. Hein, on l'a vu. Non, on ne l'a pas vu justement. Je l'ai abordé, mais pas de cette façon-là. Donc une autre peur perçue, toujours inconsciente en règle générale, c'est la peur de l'exclusion non plus sociale mais familiale, la rupture familiale, hein. Voilà, pour la raison qu'on a abordée tout à l'heure. Mais vous avez des personnes qui ne s'autorisent pas à franchir le pas en tous les cas pour la raison éthique, parce qu'ils pressentent que ça fera un clash. Par contre, s'ils le font parce que c'est meilleur pour la planète ou pour sa santé, a priori, c'est déjà nettement plus facile à faire passer la pilule auprès de la famille. Ou par goût, parce que je préfère cette cuisine. Enfin, tout sauf parler de la mise à mort. Mais le simple fait de dire je suis végé, pour certains, ça peut être perçu comme culpabilisateur si, au fond de lui, il sait que c'est pas bien de manger des animaux. Oui, même sans le dire, oui, tu as raison. Enfin, qu'est-ce que, avant, tu manges pas. Et là, du coup, tout va dépendre dans notre attitude. En fonction de notre attitude, on peut soit lancer la communication, soit au contraire, mettre l'autre en braquage complet et il va tout rejeter. Alors peut-être qu'en étant en situation d'ouverture, on peut aller. Moi, je vois le cas au boulot, quand j'ai des repas de plus en plus en plus souvent, on me pose des questions de ce que je mange, mais uniquement par curiosité. C'est-à-dire qu'avant, c'était ce qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, c'est-à-dire absolument me mettre à défaut de mon choix, mais là, ce n'est plus le cas. C'est rarissime que ça m'arrive. Maintenant, quand on questionne sur ce que je mange, c'est en général pourquoi, comment. Mais pas avec une arrière-pensée, plus de la curiosité. Alors évidemment, ce n'est pas ça qui va les faire changer, mais c'est peut-être une des sept rouages, un des sept rouages ou autre. Donc il y a aussi un autre critère qui est la peur de ne pas plaire à ses parents. Donc là, si on est un peu rebelle dans l'âme, on n'est pas trop concerné. Mais si ce n'est pas notre cas, si on a grandi avec l'idéal de « je suis l'enfant idéal de mes parents, donc je ne veux pas le décevoir », là forcément, on n'aura pas forcément envie, en faisant le choix pour l'éthique, d'aller l'accuser de tuer des animaux. Mais si je fais ce choix pour autre chose que l'éthique, c'est moins gênant. Et puis la vie professionnelle, donc là en fait, en fonction des types de professions, très très schématiquement, il y a deux types de professions. Il va y avoir des professions où ça va être plutôt dans le milieu de la compétition, et d'autres professions qui vont être plutôt dans le milieu... Je ne peux pas dire compassion, parce que ce n'est pas le mot, mais... Alors, dans le milieu de la compétition, on va mettre quoi ? On va mettre, bien sûr, les milieux d'affaires, on va mettre les vendeurs, on va mettre... Là, je n'ai pas des exemples précis, mais voilà, il y a un certain nombre, comme ça, de professions où, dans le milieu professionnel, c'est la compétition. Et puis, dans l'autre cas, vous avez les professeurs, les aidants, les éducateurs, donc la relation d'aide. Donc déjà, on n'est pas du tout dans le même type de profession. Si vous êtes dans un milieu professionnel où les valeurs prédominantes, c'est la compétition, être meilleur que l'autre, voilà. Si vous affichez votre végétarisme, ça peut poser problème. Pourquoi ? Parce que le végé peut avoir l'image de quelqu'un qui a pas assez de mordant, qui n'est pas assez, qui n'est pas dans la gagne, qui n'est pas, voilà, c'est-à-dire... Par contre, au niveau professionnel, ça peut être plus facile de justifier « Non, mais j'en mange pas parce que moi, tu comprends, je suis très, très intéressée par l'environnement et quand je connais les dégâts de l'amiante sur la planète, donc voilà. » Bon, là, du coup, ou alors « Non, mais je sais que c'est meilleur pour ma santé, pour telle et telle raison, c'est plus facile à faire passer la pilule. » Et voilà, là encore, hein, pour ne pas être mis au banc des collègues hein, ou de ses chefs. Quand c'est que les collègues, c'est une chose, mais quand c'est les chefs, c'est autre chose. Donc, alors, en plus de ça, les proies sont systématiquement dévalorisées dans notre société occidentale, en tous les cas en France, parce que je ne sais pas dans les autres pays, on va dire en France, et les prédateurs sont systématiquement valorisés. Alors, si on prend les prédateurs quand vous regardez des reportages animaliers à la télé, la plupart du temps, c'est sur un prédateur. Et le reportage, il va avoir lieu sur les individus. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous montrer les lions en général ou les léopards en général. Non, non, on va vous montrer un petit groupe familial. Donc là, il y a bien une notion d'individu. Et souvent, ils ont des noms, d'ailleurs. On leur met des noms. On va nous dire que, de toute façon, ils ont un rôle indispensable de régulateur. Alors, j'ai mis qu'ils avaient souvent le droit à un statut d'individu parce que, c'est pour ça qu'on leur donne des noms, dans les reportages comme ça. Et puis, on s'abstient, la plupart du temps, on va s'abstenir de montrer toutes les tentatives où les prédateurs chassent et échouent. Et ça, elles sont quand même nombreuses. Et celles-là, comme par hasard, elles passent quand même souvent à la trappe. Donc, il y a une survalorisation du prédateur, non seulement qui a une utilité au niveau de l'écosystème, mais en plus, il est super fort parce qu'il loupe jamais son coup. Et puis, en plus, c'est un individu. Donc, s'il y a un individu, forcément, c'est bien. Et puis, inversement, pour les proies, eh bien, on va vous dire, d'abord, on l'appelle une proie. Il n'a que le statut de proie. Il est là pour être mangé. Et puis, ils n'ont pas de statut. Généralement, dans ces reportages-là, ils vont être en troupeau. On nous montre un troupeau de gnous, de girafes. Et encore, les girafes ont un peu plus, comme elles sont un peu moins nombreuses, c'est un petit peu à part. Et puis, elles ont peu de prédateurs, donc c'est un petit peu à part. Mais par contre, les troupeaux de gnous, de buffles, alors eux, ils ont vraiment le statut de proie complet. Hein. Donc là, c'est pas du tout des individus. Et comme on vit quand même dans une société où là, c'est hyper valorisé et là, hyper dévalorisé, faire le choix de dire, moi, pour raison éthique, je prends le camp de pas accepter ça, au niveau professionnel, ça peut, en fonction du type de profession, poser problème. Et sinon, donc voilà, c'est ce que je dis. En gros, t'es un loser, quoi. Donc voilà, si on est dans ce milieu professionnel-là, c'est pas forcément bien vu d'être un loser si on veut garder son job. Donc voilà, c'est. Par contre, il y a des professions où ça va être beaucoup moins difficile de dire, de reconnaître le côté compassion. Non, la virilité, en fait, je l'avais dit tout à l'heure. Alors la censure sociale. Alors ça, c'est pareil. En France, on est assez champions. Et ça contribue beaucoup aussi à marginaliser le choix éthique. Parce que en France, on a quand même un certain nombre de philosophes et d'écrivains connus qui ont pris position pour la cause animale, voire pour le végétarisme. Alors, j'avais mis Voltaire, Lamartine, De Vinci, Hugo, etc. Si on prend l'Antiquité, on a Pythagore, on a Plutarque, on a Sénèque. C'est bizarre, on ne nous en parle pas de leur prise de position pour l'animal. On va nous parler de tout le reste. Alors si je prends le cas de Voltaire, on va nous parler de toute leur prise de position, de sa prise de position contre l'Inquisition en Espagne, par exemple. Mais on ne va jamais dire qu'il s'offusquait autant de ce que l'on faisait subir aux animaux. Donc ça, en fait, ça va influer aussi sur de façon inconsciente, mais sur le côté, est-ce que oui ou non je prends le risque d'être exclu du groupe social. Et puis un autre truc aussi, alors pour vous je sais pas, mais à l'école on m'a fait travailler sur les textes de Rabelais, donc Pantagruel. Tiens, je fais un petit sondage d'ailleurs, combien d'entre vous ont travaillé sur Pantagruel à l'école? Ah bah voilà. Donc Pantagruel c'est quoi? C'est bidoche, bidoche, bidoche et rebidoche. Et c'est l'apologie de la bidoche. Donc quand vous vous prenez ça dans les... À un moment, c'est pas si évident que ça de... Parce que c'est vraiment l'apologie de s'empiffrer, hein, Rabelais. C'est pas autre chose. Hein. Et alors, inversement, comment il s'appelle? Épicure. Épicure, qui lui est véhiculé exactement dans la même mouvance, alors qu'en réalité, Épicure, c'est pas du tout ça. Épicure, lui, il disait bien que le plaisir, on le prend, mais à condition de pas nuire à l'autre. Et ça, on se garde bien de le dire. Voilà, donc en fait, la vie sociale, donc de peur de perdre le confort d'être inséré socialement ou dans la cellule familiale, On peut avoir peur du coup de se regarder en face également. Donc dans toutes ces situations-là, ça peut être plus confortable de passer par les étapes bénéfices santé ou pour la planète ou c'est l'intérêt culinaire ou je ne sais pas quoi d'autre, plutôt que d'aller directement sur les arguments éthiques. Et voilà. Et donc, ça je l'avais dit, que plus il y aura de mêmes tendances végé, ça peut nous aider de toute façon au quotidien pour banaliser les repas végé qui font peur. Ça m'en fait penser à une anecdote. On avait invité à la maison la personne qui nous livrait le foin, parce qu'on a quelques animaux sauvés de la boucherie, on a besoin de foin. Et donc, du coup, comme on les connaissait un petit peu d'avant, je dis, bah, tiens, on va les inviter à dîner. Ils viennent avec un de leurs enfants. Puis alors, moi, dans ces cas-là, je prévois toujours bon et beaucoup. Parce que comme les idées reçues, c'est on ne mange pas notre faim, gna gna gna gna gna gna. Et puis, bon, je les sers une première fois, puis je vais pour leur redonner du rhum. Et là, non, non, on n'a plus faim. Et là, il y a le gamin qui a vendu la mèche. Ils avaient mangé avant de venir. Voilà. Mais avoir ça à l'esprit, ça vous donne l'idée de tous les freins qu'il peut y avoir dans les têtes des gens. Si c'est ça l'idée du végétarisme, c'est bon, moi je continue ma bidoche. J'ai faim, donc voilà, c'est juste être conscient de... Alors, évidemment, il ne savait plus où se foutre, hein, quand le gamin avait la chambre, on s'en doute bien. Et en plus, il est chasseur, le père. Hein. Il est chasseur, mais il peut s'offusquer de certains mauvais traitements sur les animaux. Ça, c'est tous les paradoxes de... Mais ça dit, pour moi, ce n'est pas un ami, c'est juste qu'étant à la campagne avec des chasseurs autour, ayant nous-mêmes des animaux qui peuvent recevoir un coup de fusil, voilà, on préfère... vivent en bonne intelligence dans l'intérêt de nos propres animaux, qui ne sont pas à nous, mais qui vivent chez nous. Voilà, donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, faire un choix, c'est toujours une balance. Une balance où on va mettre d'un côté les pour, si je fais ce choix-là, et d'autre côté les contre. Et donc, tout ce qu'on a pu voir, là, c'est des pour et des contre, et j'en oublie sûrement d'ailleurs. Moi, c'est ceux que j'ai identifiés, mais il y en a probablement d'autres. Donc, il y a un autre point très important, c'est la recherche du plaisir. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près 70% du choix. Donc il y a le plaisir gustatif et la convivialité. On pourrait rajouter satiété, hein, vu l'exemple de ceux qui sont venus, qui avaient peur de ne pas manger à leur faim. On pourrait rajouter ça aussi. Il y a la difficulté de changer ses habitudes. Donc changer des habitudes, ça nécessite des efforts. Donc ça, c'est inconfortable. Je ne suis plus dans le plaisir. Et puis, bien sûr, la vie sociale. Ça, on l'a vu aussi. Donc, l'humain, c'est un animal qui est en fait, comme la majorité des espèces animales, un animal à la recherche de plaisir. Et du coup, bah, la nourriture, la vie sociale, garder mes habitudes, etc., etc., etc., etc., ça, c'est des plaisirs. Et on peut rajouter les besoins. Plaisir, besoin, le plaisir est un besoin. Donc c'est, voilà, on a des besoins et par nécessité, on a besoin de satisfaire nos besoins. Bon, ça du coup, je l'ai dit, donc je peux passer. Le problème, c'est que c'est une conférence que j'avais fait il y a un an, que je n'ai pas révisée depuis, donc ça part un peu... Donc l'industrie agroalimentaire... pardon... Un autre truc, ça aussi qui est un gros frein pour nous, c'est la puissance de nos concurrents en face, hein. Parce qu'eux, ils ont un rouleau compresseur au niveau des moyens marketing et financiers qui est assez colossal. Donc pour rejoindre ce qui était présenté hier dans la conférence lapin, voilà, les producteurs de lapins vont faire en sorte que presque 9 femmes sur 10 de moins de 50 ans auront vu le spot sur « Manger du lapin, c'est bien » et avec à peu près 7 fois le message. Et rebelote quelques mois après. Une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on n'a pas la fin d'un cycle. Parce qu'on a eu la phase consumériste avec l'action glorieuse. On a le marketing appuyé pour devenir, parce que les gens ne connaissaient pas le marketing. Aujourd'hui, le consommateur défie les grandes marques, se méfie de la pub, etc. On voit tous les scandales alimentaires qu'il y a. On est quand même dans une phase où les gens ne veulent plus la pub comme avant. Ça peut les amuser, mais c'est pas pour ça qu'ils vont la... accepter. Oui. Par contre, inconsciemment, on a beaucoup de mal à rejeter. C'est-à-dire, le message, on l'imprime, on n'a pas conscience d'être influencé par le message. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut l'imprimer. Mais il y a ça, et puis il y a aussi que même le rejet de la société de consommation, il n'est pas encore généralisé. Parce que si on est dans un milieu intellectuel où on va se poser des questions sur un certain nombre de choses, ce truc-là aussi va forcément aborder tôt ou tard. Mais si on est dans un milieu populaire où on ne se pose pas de questions, ben, mais par contre, là où je rejoins de fin de cycle, c'est que de toute façon, la situation de la planète est telle que tôt ou tard, de toute façon, on ne pourra pas consommer comme on le fait déjà. Le problème, c'est que ce n'est pas encore pour tout de suite et que nous, on aimerait bien agir quand même avant. Mais c'est sûr qu'on bénéficie quand même. En tous les cas, si les couches populaires ne sont pas conscientes de ça, on a quand même un bénéfice, c'est que les médias commencent à en parler plus. Et comme ça passe beaucoup par les médias, ça c'est quand même intéressant, parce que depuis quelques années, ça frémit quand même un petit peu plus à chaque fois. Donc oui, je pense qu'on a une situation, disons, j'ose pas dire favorable, parce que c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tous les cas, de tendance favorable qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent en France pendant les années passées. Ça me semble évident. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est un message qui sera fin prêt, c'est le scandale qui véhicule le message. Ouais. Et ce que font tous les grands groupes, ils ont les cellules de crise, qui préparent tous les messages pour toutes les crises possibles. Prêt d'avance. Pour se produire quelque chose, etc. Et l'équipe qui va transmettre le message, les projets sont déjà formés. Nous, si on prend cet exemple, on dit qu'il y aura un jour un scandale qui nous permettra de passer le message. Le tout, c'est d'avoir la campagne prête à ce moment-là. Ouais. Et de même, vous avez remarqué quand il y a une célébrité qui meurt, vous avez remarqué de façon d'un coup. Oh, c'est bizarre, quelques heures après, vous avez déjà toute la biographie. Et là, je me suis dit, mais c'est parce qu'en fait, ils ont forcément, pour des gens d'un certain âge célèbre, ils ont déjà les trucs de prêt. Quoi. Donc oui, faire pareil pour nous, de façon à ce que quand il y a un méga scandale environnemental ou sanitaire ou quoi que ce soit d'autre, bah, qu'on ait juste à sortir, enfin juste entre guillemets, mais en tous les cas que la majorité du travail soit fait pour qu'on puisse surfer sur la vague. Ouais, dans l'idéal, c'est certain que ce serait une bonne stratégie. Enfin, je pense. Donc voilà, alors, oui, juste pour illustrer la puissance de l'industrie agroalimentaire, donc d'une part, la campagne Lapin là, qui vont nous balancer, mais un truc qu'on connaît tous, le foie gras. Ils ont réussi à faire croire aux Français que manger du foie gras à Noël, c'est une tradition. Vous vous rendez compte? Moi, la génération de mes parents, à Noël, ils avaient quoi? Ils avaient un repas normal, et puis une orange en cadeau qui n'était pas partagée pour toute la famille. C'était une orange par repas pour tout le monde. Mais il n'y avait pas de foie gras. Et qui plus est, en Bretagne aussi, ils sont convaincus que manger du foie gras à Noël, c'est la tradition, en Bretagne. Et c'est là où on réalise la puissance de frappe de ce qu'on a en face de nous. C'est du gros rouleau compresseur, on ne peut pas le nier. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, on peut agir, mais il faut juste être quand même conscient de ce qu'on a en face, parce que pour une info qu'on va faire passer qui va aller dans notre sens, vous en avez combien que la personne va recevoir dans le sens contraire, dans le même laps de temps, enfin, c'est... Mais malgré tout, si ça bouge, c'est que ça va quand même globalement dans le bon sens. Ça bouge pas assez vite pour nous, mais ça bouge quand même. Donc, l'autre plaisir qui est très important, donc le plaisir gustatif et la convivialité. Alors, je rappelle quand même qu'on mange trois fois par jour, on va dire deux fois, puisque pour les produits animaux, en dehors du lait le matin, en général, en France, on ne mange pas de viande. Et beaucoup de personnes le matin ne prennent pas forcément du lait, ils vont souvent prendre du thé ou du café. Donc on va par facilité se consacrer aux deux repas. Mais deux fois par jour, vous avez une source de plaisir pour la personne. Surtout si son boulot est chiant, que les enfants les emmerdent, qu'il y a des problèmes divers et variés, la voiture en panne, pas les moyens de la réparer, etc., etc., etc. Eh bien, deux fois par jour, j'ai quand même moyen de me procurer du plaisir en mangeant. Et ou en ayant quelqu'un avec qui manger. Des fois, on mange seul, mais si on peut manger accompagné, on aime autant. Donc, et nous, par la perception qu'on a des idées reçues du végétarisme, c'est de toute façon pas de convivialité et pas de plaisir. Donc, le végé, on l'a vu, c'est pas rassasiant, frustration. Le végé, c'est de la salade verte, des haricots verts, hein, en gros. Hein, en gros, ce qu'on perçoit de ce qu'on mange, donc frustration, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà. Mais oui. En fait, quand on nous dit ouais, mais moi j'aime trop le steak. Mais oui, mais vous n'avez pas goûté à des repas végé. Et là, en général, ils vont vous dire ouais, c'est vrai. Mais. Je préfère le dire comme ça parce que je faisais à une époque, je posais la question, mais est-ce que vous avez goûté de la cuisine végétarienne? Et généralement, ils vont vous dire oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours vrai. Donc du coup, maintenant, je dis carrément, je suis directive, et je dis carrément, ouais, mais vous n'avez pas goûté de cuisine végétarienne. Donc là, ils sont bien obligés de reconnaître qu'en général, non. Donc oui, vous aimez le steak, très bien. Moi aussi, j'aimais le steak. Par contre, je n'aimais pas le fait de manger les animaux. Et il se trouve que là, j'ai de quoi tout à fait satisfaire mon plaisir gustatif. Donc, tout en satisfaisant mon besoin de ne pas manger les animaux. Donc voilà, du coup, paf, on peut aller lui faire toucher du doigt qu'il y a peut-être autre chose à manger que du steak, qui certes lui apporte du plaisir, et ça, on ne peut pas le nier. Ça ne sert à rien de lui dire, non, vous ne vous rendez pas compte, ce que ça implique, il faut tuer l'animal, nanana, mais vous vous rendez compte ou pas? Donc, de peut-être juste lui faire toucher du doigt qu'il n'a juste pas goûté autre chose, que donc il ne peut pas juger. Toujours dans les perceptions globales, on va retrouver pas de convivialité. Donc on peut pas, parce que vous savez qu'en France, quand on a une fête de famille ou une fête tout court, c'est toujours en mangeant. C'est pas possible de faire un truc de famille sans manger. C'est pas possible de faire une fête quelconque sans manger. Donc quelle est la perception là aussi? Bah, c'est bon, j'ai plus de fête, j'ai plus de repas de famille, j'ai plus rien. Donc pas forcément envie d'y aller, quoi. Donc, refrustration. Après, vous avez la perception, mettons que, ouais, ça, ok, je veux bien. Ouais, mais attends, c'est quand même compliqué, la cuisine végé. Donc, si on a la perception que c'est super compliqué de cuisiner végé, non, ben, moi, c'est bon, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Donc, je vais me sortir mon cordon bleu, qui est bien pratique et qui a du succès auprès des enfants. Et puis, la dernière perception, les végés, c'est des gens tristes. Ça, c'est quand même je compte plus les stands au début. Sur nos stands, en général, on rigole pas mal. Je ne vous dis pas le nombre d'exposants qui venaient vers nous en me disant « Mais c'est la première fois que je vois un végétarien qui rigole. » Mais je vous jure. Et justement, on en faisait exprès. On en faisait exprès à rigoler. C'était volontaire de notre part. C'était justement pour renvoyer l'image de gens capables de s'amuser. Donc en gros, là, on va tout remettre, toutes ces frustrations potentielles dans la balance avant de faire son choix. Donc, voilà. Donc en gros, toujours pour le choix. De ce côté-là, ben, moi, j'ai les arguments éthiques. J'ai le plaisir de manger sans commandité de mise à mort. Mais de l'autre côté, dans la balance, j'ai la gastronomie qui est élevée au rang de sport national, on peut à peu près dire ça. J'ai compté, là, il n'y a pas longtemps, dans une maison de la presse, j'ai compté à peu près une cinquantaine de revues consacrées à la cuisine. Revues, magazines. Je ne compte plus le nombre d'émissions de radio ou de télévision. Donc on peut quand même considérer que c'est un sport national. Donc voilà, vous avez ça de l'autre côté dans la balance. Vous avez 80%, alors ça je sors du végétarisme, mais... Vous pouvez avoir un très très bon produit. Si l'emballage est moche, vous ne le vendrez pas. Ensuite, vous le vendrez à 20% des gens. Parce qu'en fait, 80% du choix, quand on achète quelque chose, 80% des personnes, c'est l'emballage qui va compter. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas regarder ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas non plus ça. Mais l'emballage est fondamental. Si l'emballage, d'emblée, il ne le fait pas, je ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Alors si nous, avec le végétarisme, on n'arrive pas à casser les idées reçues de « je ne mange pas à ma faim, c'est pas bon, c'est pas convivial, puis je ne sais plus quoi d'autre », L'emballage, il n'est pas très sexy quand même. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est sans doute important aussi d'aller communiquer sur toutes ces choses-là. Les repas, c'est bon, la convivialité, on sait s'amuser, on peut faire des choses avec des repas de famille. Toutes ces choses-là me semblent importantes à communiquer. Et donc, bien sûr, l'image que VG, c'est des frustrations. Voilà, bon, ça je l'ai dit, hein, comme quoi c'est ce que je viens de dire en fait, donc hop. La difficulté de changer les habitudes. Donc mettons que ça y est, vous êtes convaincu de chez convaincu. Mais il faut passer à l'acte. Là, il y a encore plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a l'école. L'école, avec, on a vu, hein, ça peut être par tout ce qui est véhiculé par l'école au niveau de la scolarité, mais aussi si on est adolescent, bah, de toute façon, on ne veut pas se différencier du groupe. Sauf si on est rebelle. Moi, j'étais punk quand j'étais ado. Mais la majorité n'était pas punk. Donc, voilà. Sinon, les documentaires, hein, c'est un... Voilà, le côté « nous mangeons de la viande depuis la nuit des temps ». Donc, voilà, l'habitude, bien sûr, par tous ces biais-là, que ce soit l'école, l'industrie, avec ses rouleaux compresseurs, les émissions de télévision, les documentaires, bah, c'est de toute façon, on mange de la viande depuis la nuit des temps, et puis que c'est très bien comme ça. Par contre, qu'une époque, il n'y avait pas de chauffage central, ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire... Oui, mais il n'y en a jamais eu avant, donc c'est la coutume de ne pas avoir de chauffage central. Pareil pour les vélos. Non, parce que si on veut vivre comme les hommes préhistoriques dans leur grotte, on n'a pas de vélo, on n'a pas de télé, on n'a rien. Et on ne prend pas d'antibiotiques si on est malade. Voilà ce que j'ai mis là. Les hommes préhistoriques n'avaient pas de chauffage, pas d'électricité, pas de voiture. Mais alors ça, c'est bizarre, on n'en parle jamais. Ça, on trouve très bien d'avoir changé. Et donc, la nuit des temps, là aussi, ça peut être une justification pour pouvoir continuer, c'est-à-dire une excuse. Si on a besoin d'être dans le déni pour des raisons X ou Y, ça peut être très pratique comme argument. Et, alors, là, on va le voir après, les VG refoulés, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, tout changement d'habitude demande un effort important. Et ça, c'est très important. Plus le changement est perçu comme énorme, difficile, important par rapport à mes propres habitudes actuelles, et moins il y a de chances que je fasse ce changement. C'est-à-dire que plus on court le risque que rien ne soit fait. Et là on voit bien que c'est important quand on échange avec l'autre de le faire parler pour voir où il en est, pour essayer de savoir ce qu'on peut arriver à envisager comme geste d'évolution. Si c'est quelqu'un qui est déjà très évolué dans ses habitudes, ou vous vous rappelez un jour qui aime bien les expériences, il n'y a pas de problème, on peut lui proposer d'emblée le package complet. Mais si c'est quelqu'un qu'on est très très loin, qui mange de la viande 3 fois par jour, ça va peut-être être difficile de lui dire qu'il faut être vegan. Surtout s'il n'est pas jaune. Donc en gros, moi, qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne va une fois de plus faire sa balance, et donc elle va choisir en règle générale, hein, à rester dans la zone de confort. Mais soit dit en passant, nous, pour faire nos choix, on a aussi fait ça. C'est juste que notre zone de confort était de ne plus participer au massacre. C'est juste que ce n'étaient pas les mêmes critères. Mais nous aussi, à un moment, on a mis dans la balance manger de la viande ou arrêter. Et en ce qui me concerne, le jour où continuer d'en manger est devenu plus inconfortable pour moi que de ne plus en manger, ben j'ai fait mon choix. Voilà. Donc, par contre, un effort qui peut être perçu comme raisonnable peut être envisageable par la personne beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de communiquer sur le fait que... Moi, j'ai mis facilité, mais c'est surtout montrer que c'est pas si difficile que ça. Mais j'aime pas dire que c'est pas si difficile, parce qu'on met déjà le mot difficile, ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que j'aime mieux parler de facilité. Et quand sur les stands on me demande oui, mais alors comment ça se passe et tout, ça doit être dur. Non, c'est très facile. Même si c'est pas toujours vrai. Mais si je lui dis que c'est dur, oh, si vous saviez, mais c'est dur. Heureusement, je voulais être moine, alors du coup, ça n'a pas été trop dur parce que j'ai ce côté sacrifice de ma personne, donc ça va, je m'en sors. Mais tout le monde n'a pas ce côté sacrifice de sa personne. Et, du coup, voilà, j'ai tendance quand même à minimiser parfois les difficultés qui peuvent se présenter. Mais cela dit, même les gens qui mangent de la viande, ils ont aussi des difficultés qui sont juste différentes. Hein. Donc, voilà, et ce qu'il faut, c'est que, au lieu que ce soit une difficulté majeure et insurmontable, c'est-à-dire que là, on va probablement aller dans le déni et continuer comme avant, ben, si on perçoit que ça devient raisonnable et surmontable, on a plus de chances d'y arriver. Donc, voilà, ben, ça, c'est pareil pour la vie sociale, hein, la même chose. Hein. Communiquer sur une vie sociale préservée, même si on est végé, ça peut aussi simplifier la tâche dans le choix. Personnellement, nous, on a fait un mariage végétarien il y a 12 ans, 13 ans même. Les invités n'étaient pas végés. Et ce qu'on a fait pour qu'ils viennent sans a priori négatif, c'est qu'on les a tous invités famille par famille à la maison manger. Je faisais un repas végé. Avant qu'ils viennent à la maison, je leur disais « Bon, alors ça va être végétarien, ça vous pose problème ou pas ?» Évidemment, ils ne vont pas se permettre de dire « Oui, ça me pose problème. » Donc, évidemment, ils ont toujours dit « Non, non, ça ne me pose pas problème. » Donc, quand ils venaient manger, donc famille par famille, comme on mettait les petits plats dans les grands, ils se sont rendus compte que c'était bon. Et donc, quand on a annoncé que le mariage allait être végé, c'était logique. Il n'y a pas eu de problème particulier à le faire passer. Donc, et d'ailleurs, et c'est marrant, parce que dans le lot, il y a même un oncle de mon mari, qui est pourtant très bidoche, mais qui est très gourmand. Et lui, comme il avait adoré nos plats qui étaient originaux, qui étaient, j'avais fait ce jour-là du gastronomique, il était vraiment enchanté. Et un jour, quand j'étais revenu manger après, j'avais fait une tarte salée. Oh, la déception pour lui. C'était pas assez. donc, du coup, voilà, on peut même toucher des non-végés aussi. Bon, ça, on en a parlé, hein, c'est le poids du rouleau compresseur. Hein, qui, le rouleau compresseur, mais qui va agir sur la santé, puisqu'il se paye des experts. Entre guillemets nutritionniste, pour dire que sans produits animaux, point de salut. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça existe. Donc nous, si on est face à des personnes qui ont peur d'être malades, encore une fois, la peur étant irrationnelle, ce n'est pas avec des arguments éthiques que je vais aller le chercher, celui-là. Enfin, c'est très compliqué, en tous les cas. Et les idées reçues par rapport à la santé, donc véhiculées par ces rouleaux compresseurs. Bien sûr, on manque de protéines, hein, ça se voit. On a des carences, ça se voit. On est fatigué, ça se voit. Et puis, ah oui, bah bien sûr, on est des carnivores, hein, évidemment. Donc, moi, quand on me demande si j'ai des carences, je regarde la personne, je dis, bah, je sais pas, j'en ai l'air. Les carences en fer, ça peut arriver même chez les gros mangeurs de viande. Oui, mais alors, l'argument de la fatigue, moi je leur réponds, parce que vous savez que la fatigue, c'est le premier critère de plainte chez le médecin. Donc, ce n'est pas spécifique du VG. Mais par contre, ce que je leur dis quand on me dit ça sur un stand, je leur dis moi en ce qui me concerne, quand je suis fatiguée, je me pose toujours la question. Est-ce qu'il y a une raison qui peut expliquer ma fatigue? Puis là, je leur dis, par exemple, cette nuit, j'ai dormi 3 heures, les nuits d'avant, tant d'heures, pour les actions militantes, hein, que je détaille, et puis, je vois la personne en face, ah, elle fait tout ça quand même. Donc, c'est une façon de montrer que VG, on peut être extrêmement actif. Et donc, non seulement je sous-entends que, enfin, je le dis, je finis toujours ma phrase en disant, mais à chaque fois, en fait, non, il y a toujours une raison qui explique ma fatigue. Donc c'est une façon de leur dire, vous êtes fatigué, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre rythme de vie qui peut l'expliquer? Et probablement que c'est le cas. Ça reste le premier critère de plainte, hein, la fatigue. Et souvent, en rigolant, je conclue en disant que mon mari et moi, on se dit souvent, heureusement qu'on ne mange pas de viande parce qu'on ne pourrait jamais faire tout ça. On serait trop fatigué par la digestion. Mais les carences en fer, c'est vrai que ça peut exister, mais chez les mauvais jets aussi. Alors, ce que tu peux répondre pour la carence en fer, si c'est quelqu'un qui ne mange pas de produits laitiers, parce que la consommation de calcium bloque l'absorption du fer. Donc, il faut déjà aller chercher s'il y a des explications, genre boire beaucoup de thé, de café, produits laitiers. Si elle ne mange pas de vitamine C qui va faciliter la fixation du fer. Bon, s'il n'y a pas tout ça, ça peut être à ce moment-là un défaut d'assimilation. Mais elle pourrait manger 3 steaks par jour, ça ne change rien. Là, c'est pas le cas. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose dans son alimentation qui pouvait être... Parce que globalement, les études montrent bien qu'il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer. Le truc qui est là, quoi. Il y a une fiche d'ailleurs de l'AVF qui s'appelle Le Fer, qui est très bien faite. Très très bien faite. Et qui dit ça d'ailleurs, hein, qu'il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer chez les végés que les non-végés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, puisqu'il y en a aussi chez les non-végés. Alors, cette personne-là, elle est très éthique. Est-ce que, quand même, il n'y a pas quelque chose... Il y avait longtemps qu'elle était végétale ? Non, mais je pense qu'il y a d'autres raisons derrière, que c'est inconsciemment. C'est très honnête. Elle s'en sert comme un livre. Elle s'en sert pour trouver un moyen de stopper cette... peut-être un facteur, non pas d'isolement. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, parce que je l'ai eu au téléphone, j'y avais donné des dates de conseils. Donc elle cherche une excuse déculpabilisante. On avait tout vu, le calcium, la vitamine C, tout ça, pour essayer de... Mais rien n'y faisait. Oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait, probablement que son vrai besoin, c'est pas son problème de carence en fer, mais son vrai besoin, si c'est la vie sociale... Là, à part lui proposer de participer de façon très régulière à des soirées conviviales et des choses comme ça. En fait, il y avait l'éloignement, c'était quelqu'un qui était assez isolé dans une région où il y avait dans les Ardennes, il n'y avait aucun végétarien autour d'elle, elle travaillait beaucoup. Enfin, voilà. Les conditions n'étaient pas idéales pour créer une nouvelle vie, pour une nouvelle végé isolée, pas dans sa région. Mais non, parce qu'elle aurait pu être correspondante, organiser des rencontres conviviales, et paf, au Matoul, elle avait des pépins. Elle ne pouvait pas être identifiée. Donc elle n'assumait pas. Il y avait des choses au fond qu'elle n'assumait pas. Donc, et ça me fait penser à une autre anecdote, qui est celle de ma sœur. Donc, vous m'enlevez 20 ans, j'étais sur le périph', même plus de 20 ans, j'étais sur le périphérique à Paris, je travaillais à Paris à l'époque. Et j'avais ma sœur dans la voiture, et on était bloqués dans les bouchons du périph', avec une énorme bétaillère immatriculée Irlande qui avait des rangées de veaux. Et c'était à l'époque où, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en fait, avant, j'étais une militante pas du tout là-dedans, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que j'étais une militante en colère, qui était scandalisée par tout ce qui se passe, je le suis toujours, c'est juste que j'ai changé ma façon de faire. Et donc, à l'époque, j'étais à fond sur la culpabilisation. En fait. Et ma sœur... J'ai profité qu'elle était prisonnière de l'habitacle de la voiture pour la foutre devant le fait accompli, puisqu'on était à côté de la bétaillère avec les veaux qui venaient d'Irlande. J'avais juste à lui dire, quand je pense que c'est à cause des mangeurs de viande que les veaux subissent ça et ça et ça et ça et ça. Bon, au bout d'un moment, elle a cédé face à mon harcèlement moral, on va dire. Alors je ne sais plus si elle a cédé là ou un certain temps après, honnêtement, je ne me rappelle pas. Parce que c'était pas mon premier essai auprès d'elle, bien sûr, il y avait déjà eu un certain nombre de choses. Et bon, évidemment, elle a fini par céder. Je deviens végétarienne comme toi. Ouais, ça a duré un an. Après, ouais, mais je digère pas les lentilles. Ouais, mais je digère pas ça. Ouais, mais je digère pas... Bon, elle a exactement la même chose. Elle allait chercher des alibis. Elle pouvait pas me dire... Parce qu'elle ne pouvait pas me dire, non mais attends, soit je préfère remanger comme avant, c'était quand même vachement meilleur, soit socialement c'est dur. Elle ne pouvait rien me dire de tout ça, parce que face à la souffrance qu'on avait vue ensemble, et c'est le cas de cette personne qui l'a fait par choix probablement éthique, ils ne peuvent pas dire des choses comme ça, ça ne tiendrait pas la comparaison. Donc ils passeraient pour des salauds pour le coup, à leurs propres yeux puis aux yeux des autres. Donc aller chercher un alibi que c'est pour autre chose, c'est très pratique. Comme ça, on n'est pas des salauds. C'est juste que mon système digestif, il n'arrive pas à digérer les lentilles, ou que j'ai besoin de faire. Donc, et ça, on en revient donc finalement, mais par la démonstration inverse, que les convaincre par culpabilisation, c'est pas la panacée. Parce que, tôt ou tard, ça peut tout à fait prendre la tangente. Parce qu'en fait, le choix qu'on va assumer, parce qu'on l'a vu quand même, même si dans la com, moi je dis que c'est facile, il faut être conscient que c'est pas si facile que ça, sinon il y aura plus de gens qui seraient végés, surtout en France où on manque de 6 000 carnets, etc., qu'il y a tellement de facilité à l'étranger. Les 6 000 carnets, ça peut être sacrément pratique dans un début de démarche. Hein. Quand vous êtes habitué tous les jours à vous faire ou un cordon bleu, ou un steak, ou une tranche de jambon, ou je ne sais quoi, parce que c'est rapide et pratique, et que vous n'êtes pas spécialement un cordon bleu, là, si vous avez plein d'outils faciles à avoir à portée de main, forcément le choix va être plus facile. Si au niveau social il n'y a pas de regard désagréable, si au niveau des collègues on ne va pas dire que vous êtes un loser parce que vous êtes dans la compassion, voilà. Mais à côté de ça, il faut quand même pouvoir faire ce choix. Donc il faut être suffisamment au fond de soi persuadé que c'est un choix qu'on fait parce qu'on a fait ce choix et non pas parce qu'on nous l'a imposé. Si on fait ce choix de nous-mêmes, on a quand même beaucoup plus de chances de le tenir au long terme. Donc ça, je l'ai dit ça tout à l'heure, les pourcentages de choix de l'alimentation. Alors ça, c'est plus pour l'argument santé, hein, cette fois-ci, que si on fait un focus sur l'argument santé, c'est-à-dire les bénéfices à être végétarien, c'est-à-dire non pas dire qu'on va être en aussi bonne santé, mais dire qu'on va être en meilleure santé. Là, on va pouvoir toucher à peu près 20% de la population. Puisque, si vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, l'étude publiée dans le quotidien du médecin, 70% font le choix pour le plaisir, 20% font le choix pour la santé, et 10% pour l'éthique, c'est-à-dire environnement, gna gna gna. Donc, là, on peut en choper 20%. C'est déjà pas si négligeable que ça. Vous voyez, par rapport justement à cette étude, alors j'ai vu des stats ailleurs, mais justement en France, sur les choix alimentaires, justement pour les végétariens. Alors je ne sais pas si ça complète ce qu'il faut regarder dans votre sens, mais c'est pas du tout le même chiffre, c'est-à-dire au contraire, c'est quand on part des végétariens, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens sont végétariens. Et en France, c'est 80 à 90% pour des raisons éthiques ou animales. C'est-à-dire on le prend dans l'autre sens, Mais ils sont que 2-3%. Ou voire même 1% des Français. Des Français. Mais les végétariens ne le sont pas. 20% ou 10% pour l'éthique animale et 80% pour la santé ou pour d'autres raisons, mais le sont une grande majorité, 90%. Alors, ça, c'est pour les végétariens complets. Oui. C'est-à-dire à 100% de leur temps. Mais tu as aussi une. Des végétariens, pas des gens qui se présentent végétariens. Parce qu'il y en a une proportion assez importante qui n'en mange qu'une à deux fois par semaine, la viande ou du poisson. Du coup, ils ne peuvent pas se déclarer végétariens, mais eux, généralement, ça est pour les autres raisons. Si c'est pour raison de santé, tu n'as pas de raison, sauf si tu es hyper. Comment ça s'appelle, ortho, je ne sais plus quoi, avec l'alimentation, là. En règle générale, tu vas juste diminuer jusqu'à en manger une à deux fois par semaine. Tu vois. Mais n'empêche que, si tu as tout d'un coup 20% de la population française qui se met à réduire drastiquement sa consommation de viande, pour nous, ce serait énorme parce que eux-mêmes, c'est des relais de montrer ce que c'est que de manger autrement. Mais après, ça dépend de comment on regarde la chose, Et si on reprend cette étude-là, il y avait donc à peu près 10% qui le faisaient par choix éthique. Mais c'était l'environnement. Et sachant que dans l'environnement, les animaux, en fait, n'étaient même pas mentionnés. C'est moi qui dis que ça doit représenter peut-être 1% dedans, puisqu'on est à peu près 1% ou 2% de végétaux. Mais c'est vrai que c'est pas simple, hein, comme, comme chose. Voilà, bah ça en revient, hein, c'est juste pour relister ce qu'on a vu, donc les freins pour s'opposer en changement, donc la remise en question personnelle, c'est-à-dire bah, j'ai pas envie de dire que j'étais un salaud jusqu'à présent, donc je préfère éluder, le conflit de loyauté envers ses parents, j'ai pas envie de dire que mes parents sont des salauds, donc je vais éluder. Le déni pour me protéger, c'est-à-dire que je ne perçois pas d'action possible à mon niveau. C'est-à-dire que les actions perçues sont beaucoup trop disproportionnées par rapport à ce que je suis capable de faire. Donc, je vais aller dans le déni. Alors, vous avez un article très intéressant sur ce sujet-là qui avait été publié dans L'Écologiste. Il fait 2 pages, il n'est pas long. Et qui traite justement, donc comment peut-on être indifférent ? Qui part de la conscience. Je vais vous lire juste les phrases clés, parce que ça, c'est vrai que c'est, je trouve que c'est très intéressant. Il parle du constat que malgré que les gens soient au courant des problèmes de climat et compagnie, ben, ils restent dans le déni. Alors, en fait, ça, c'est un article qui est signé par une doctorante en psychologie. Et en fait, voilà ce qui est dit. Donc, ils disent, et si le problème n'était pas d'être trop peu anxieux, mais trop anxieux ? Alors, trop peu anxieux parce qu'on pourrait se dire, ils sont indifférents, ils ne changent pas leur comportement. Pareil pour manger les animaux, mais ils sont complètement indifférents. Donc, pas assez anxieux. Sauf que là, elle prend le parti de dire, non, c'est le contraire. Ils sont trop anxieux, et c'est ce qui va provoquer un mécanisme de défense. Et pourquoi ils sont trop anxieux ? Eh bien... D'abord parce qu'une grande anxiété va, donc ce que je disais, provoquer du déni, et on va aller plutôt dans c'est pas ma faute, c'est celle de l'autre. Et en fait, on a tendance, au niveau de notre fonctionnement, on a tendance à se protéger et à éviter ce qui est facteur d'angoisse. Et si je perçois que manger les animaux, c'est vraiment pas bien, mais qu'à côté de ça, faire autrement, c'est intenable pour moi, parce que c'est ma perception, c'est pas forcément la réalité, c'est juste ma perception. Et ce qui compte, c'est pas la réalité, c'est ce que je perçois. Bah, du coup, ça va me mettre dans un état d'anxiété tel, parce que du coup, il va falloir assumer que d'une part, je sais que c'est pas bien de manger les animaux, mais que je continue quand même de les manger parce que c'est trop dur de ne pas manger. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je pars dans le déni. Et il n'y a plus de problème. Et donc, en fait, ce qui est dit, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'une privation de sentiments, mais d'une stratégie pour gérer de telles expériences en s'en protégeant. Et donc, des études ont aussi montré que plus on est informé, et moins on agit. C'est-à-dire que les personnes les plus informées, ce n'est pas forcément elles qui agissent. Parce que les personnes les plus informées se sentent moins personnellement responsables du réchauffement climatique, et donc elles s'en soucient moins. Donc à un moment, se dire, mais la science va résoudre le problème, ou il n'y a pas de problème, ou, enfin, mais de toute façon, ce n'est pas de leur responsabilité à eux. Donc sinon, là, elle dit, les gens cessent de montrer de l'intérêt pour un problème lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il n'existe pas de solution facile. Et ils estiment sérieux seulement les problèmes pour lesquels ils pensent que l'on peut agir et que l'on doit agir. Donc si la perception du VG est tellement éloignée de ce qu'ils peuvent envisager, pour eux, il n'y a pas de solution. Donc il n'y a pas de problème. Et donc la conclusion, c'est créer des stratégies de communication qui rendent compte de la nature terrifiante des menaces tout en fournissant des actions. Et là, on en revient aux ateliers cuisine, on rencontre qu'on est bien, les recettes fiches cuisine, etc. etc. Donc le déni pour se protéger, les peurs d'exclusion, le plaisir gustatif. Alors c'est pareil, les peurs d'exclusion, pour en revenir au familial. Moi, je sais qu'une époque, quand j'étais pas militante comme maintenant, dans la revue de l'AVF, quand il y avait des articles sur un mariage végétarien, je trouvais ça génial. Parce que j'envisageais, alors qu'avant je me disais, on fera un mariage sans personne, parce que nous on se voyait pas tuer des animaux pour faire la fête, c'était pas dans notre mentalité, et pour autant on envisageait de se marier. Donc finalement on s'était dit, on fera un truc 4 personnes point barre. Mais de lire des articles comme ça, ça permet de donner des solutions, de donner, et c'est très bien comme ça, parce que les gens qui sont venus à notre mariage grâce à ce qu'on avait fait ont pu voir qu'être végé, c'est pas complètement hurluberlu, et qu'on se prive pas de tous les plaisirs pour autant, parce qu'ils ont apprécié le repas. Mais si j'avais pas eu accès à ces informations-là, est-ce que je l'aurais fait? Peut-être pas. Donc des fois, des infos qui peuvent nous paraître secondaires par rapport à l'action militante, parce que des fois, on pourrait se dire, attends, c'est vachement futile, quoi, de communiquer sur un mariage végé. Attends, merde, c'est quand même pas ça le problème, quoi. Ben, c'est pas aussi simple. Parce que là, tu es déjà en train de donner des notions d'explication. Et de même pour les menus scolaires à l'école, j'étais très intéressée quand il y avait des articles de témoignages de parents qui avaient obtenu des repas végés dans leur école. Et en revanche, je trouvais très anxiogène les articles qui disaient le contraire. Parce que tu as besoin, comme tu sais que de toute façon tu vas devoir aller négocier, vaut mieux être... sur une énergie positive, tu vas être en bien meilleure situation de négocier que si tu es en énergie négative de te dire faire état mignonia. Et je pense que c'est plus efficace comme ça. Et nous, du coup, on a obtenu nos repas végés sans problème, en fait. Mais voilà. Mais si le combat semble perdu d'avance, eh ben, tu as beaucoup de parents qui font quoi? Ils mangent de la viande à l'école, point barre. Et je connais beaucoup de végés, y compris militants, dont les enfants mangent de la viande à l'école, parce qu'ils n'ont pas voulu se prendre la tête. Donc faire percevoir des solutions accessibles, c'est déjà le début d'une solution. Donc le plaisir gustatif, la convivialité, on l'a dit, difficulté de changer ses habitudes, on sait rien, la vie sociale, et puis donc les idées reçues sur la santé, ça on l'a vu aussi. Bon, ça, on l'a dit, ça, c'est la balance bénéfice-risque, donc, on l'a dit. Ça, c'est la balance bénéfice-risque, c'est bon, je peux passer. Voilà. Alors, ça, c'est des choses que je n'ai pas abordées l'année dernière. Je regarde l'heure. C'est bon, je vais être dans les temps. Donc... ce que j'ai appelé le végé refoulé. Et je crois que les végés refoulés, il y en a une palanquée. Je crois même que c'est 90% de la population. Parce qu'il me semble qu'il y avait un sondage qui avait dû être publié dans le Courrier international. Et c'était, si vous devez tuer l'animal vous-même avant de le manger, est-ce que vous le faites? Il y en a 9 sur 10 qui ont répondu, non. Et pourtant, ils en achètent et ils en mangent tous les jours. Ou ils vont au restaurant. Et je pense que les personnes qui assument complètement cela ne nous embêtent jamais. En revanche, tous ceux qui vous disent « Ah, tu sais pas ce que tu loupes. Ah, il est trop bon ce steak. Ah, gna gna gna. » Vous voyez, là, les trucs un petit peu provoquent. Ou même « Ouais, mais les hommes préhistoriques. » Enfin bon, tout ce qui est ce que j'appelle des fausses barbes, en fait. En réalité, pour moi, ce sont des végés refoulés. Et ils n'assument pas eux-mêmes de manger les animaux. Sauf qu'en règle générale, ils n'y pensent pas. Mais quand ils sont face à nous, que ce soit sur un stand ou un article de presse, amusez-vous à lire les commentaires quand il y a des articles publiés pro-végétarisme, il y a des commentaires, ils ne sont pas piqués des hannetons. Pour moi, ceux-là, ce sont des végés refoulés. Et en fait, si on s'y prend bien, ces personnes-là, on peut les faire changer. Et il vaut mieux 1000 fois un végé refoulé qu'une personne qui va dire « Ah non, mais je respecte complètement ton choix. » Celui-là, ça va être plus difficile à aller chercher. Et donc, en fait, j'aime trop le steak. J'aime trop le steak. Si on comprend trop vite, ça pourrait dire « Le goût, j'aime le goût du steak. » Donc oui, c'est sans doute ça. Mais ça peut être autre chose. toutes les autres raisons qu'on a vues derrière. Donc quelqu'un, quand il nous dit une phrase un peu provoque, et encore que celle-ci, elle n'est pas toujours provoque, hein. Celle-ci, elle peut être dite en fonction du ton. Vous vous rappelez au tout début, quand je disais 30% du message chez la voix et 50% la gestuelle, là on va être un fondant pour interpréter ce qui est derrière, c'est que ça peut être une légitime interrogation. J'aime trop le texte, c'est-à-dire je ne me vois pas m'en passer. Et ça peut être très sincère, sans être de la provoque. Et là, c'est à nous, comme je le disais tout à l'heure, de dire, ben, oui, mais enfin, en même temps, vous n'avez pas goûté d'autres plats, nanana. Moi aussi, j'étais comme vous avant. Moi aussi, j'aimais le goût du steak, nanana. Et puis, si c'est la provoque, on va le sentir au ton. Hein. Le provoque, c'est une façon de vous dire, non, attends, moi j'aime... Ça nous arrive d'ailleurs sur un stand. Les gens, ils passent devant le stand, ils ne vous parlent pas. Ils passent devant, puis ils sont deux, et ils parlent très fort pour que vous entendiez en disant « Ah, c'est trop bon le steak », un truc comme ça. Là, vous êtes à fond dans du végé refoulé. Et donc, moi, quand j'ai le temps, je les chope, et je leur dis « Mais vous avez raison, monsieur ou madame, selon... Non, pardon, c'est ce que je disais avant. Avant, je leur disais « Vous avez raison, il en faut des comme vous, sinon je ne vais jamais toucher ma retraite. » Ah bon ? Ben oui, notre espérance de vie à nous étant plus longue, il en faut des comme vous, comme pour ceux qui clopent, il en faut des comme vous, sinon on n'aura pas assez de fric pour notre retraite. Donc ça, c'était une façon de général, genre, ça les interpelle. Mais sinon, maintenant, je dis plutôt, c'est votre choix, monsieur ou madame, c'est votre choix d'aimer manger les animaux. Puis je fais un blanc, mais c'est pas mon choix. Et là, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, mais ils comprennent pas pourquoi. Et c'est juste que ce qui provoque leur malaise, c'est qu'eux, ils ont dit c'est trop bon le steak. Ou vous ne savez pas ce que vous loupez. Enfin, toute phrase de ce style. Et moi, je reformule, je ne parle pas de steak ou de goût gustatif, je dis juste, c'est votre choix d'aimer manger les animaux. Ben, ils se le prennent dans la tronche quand même. Hein. Mais ce n'est pas mon choix. C'est votre choix, vous avez le droit. En plus, on leur reconnaît le droit de faire ce choix, d'aimer manger les animaux. Et je peux vous dire que j'ai jusqu'ici, ça n'a jamais... Enfin, en disant ça, là, en général, on entame le dialogue. Voire, ils repartent avec de la doc. Parce que c'était juste un végé refoulé. Et que son besoin, quand il me provoquait en disant « Ouais, vous savez pas ce que vous loupez, son besoin... Il était surtout lui de se rassurer que son choix est le bon. Son besoin, il n'était pas de me convaincre. Son besoin, il était de se rassurer que c'est pas un salaud, etc., etc. Et quand je leur dis, c'est votre choix d'aimer manger les animaux blancs, mais c'est pas le mien, c'est pas mon choix, c'est juste que je leur permets pas d'aller dans leurs alibis. Je les remets face à leur responsabilité. Et j'ai eu ça avec un adolescent, c'était très rigolo, parce que l'adolescent, lui, il m'a reformulé la phrase en disant, c'est pas du tout ce que j'ai dit, j'ai dit que le steak c'est bon, c'est trop bon. Et j'ai reformulé de la même façon, oui, mais c'est ton choix d'aimer manger les animaux, c'est pas mon choix. Et il s'est mis en colère. J'ai pas lâché. Mais il s'est mis en colère. Parce qu'il était adolescent. Un adulte, il ne se met pas en colère. À un moment, le dialogue va s'entamer et puis ça roule. Quoi. Et même s'il ne s'entame pas, ce n'est pas grave. Parce que vous avez envoyé quand même un petit scud là, qui fait obligatoirement son effet au niveau de la réflexion. Mais cet adolescent-là, il était très mal. Parce que je le renvoyais à sa responsabilité, qu'il est dans une famille de viandards et qui plus est. C'était un stand lors de la journée porte ouverte de la FASM, la ferme des animaux sauvés de la mort, c'est-à-dire un refuge d'animaux de ferme en Vendée. Et ils sont bénévoles, mais ils mangent la viande. Donc c'était encore plus difficile pour lui d'entendre quand je disais « c'est ton choix d'aimer manger les animaux ». Mais en même temps, il n'avait qu'à pas me provoquer. C'est lui qui est venu me provoquer. Mais pourquoi il est venu me provoquer ? Parce que juste la table d'info lui posait problème par rapport à ce qu'il ressentait. Et lors du repas, on pouvait manger du steak frites, donc du steak soja sel, là, frites. Il y avait des steaks frites, parce que les organisateurs sont végés. Donc, Ben voilà, ça c'était juste pour dire que le VG refoulé, je pense qu'il faut faire vachement gaffe à ne pas s'engouffrer dans la contre-argumentation. Parce que là, vous allez être argument contre argument, même si vous gagnez, vous perdez. Parce que l'autre, de toute façon, il ne veut pas perdre la face. Donc, même si vous arrivez au bout du bout du bout de l'argumentation, de toute façon, ça ne sert à rien. Enfin, en tous les cas, la plupart du temps. Donc là, il y a un moment, ben, c'est aller dans l'émotion. Et quand, sur une phrase comme ça, quand on leur dit, c'est votre choix d'aimer manger les animaux, c'est pas mon choix, là, on est à fond dans l'émotion. Donc, et pourtant, les arguments, arguments, contre-arguments, ça, c'est ce que je faisais au début. Hein. Et ça pouvait durer très, très longtemps. Mais... Voilà, donc ça, c'est le bingo voilà, des fausses barbes. Alors, il y a, en dehors de « c'est trop bon le steak », encore une fois, quand il est dit sur le ton de la provoque, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il faut bien discerner. Hein. Des fois, c'est juste un questionnement. Quelqu'un qui dit « ouais, mais c'est trop bon le steak », ça peut être juste un questionnement de la peur de ne pas assez prendre du plaisir en mangeant. Ce n'est pas forcément une attaque. Donc, extrémiste. Ouais, vous êtes des extrémistes. Alors, c'est pareil, bah, une fois, on m'a dit ça. Moi, j'ai répondu plutôt que de dire « Non, mais attendez, c'est bon, on n'est pas des extrémistes. » Je suis juste retourné la phrase en lui disant « Mais parce que vous trouvez, monsieur, que ne pas manger les animaux, c'est extrémiste ?» C'est senti con. Et pourquoi il m'avait dit ça? Parce qu'il était... En fait, j'avais sur le stand le livre de « Un éternel Treblinka » qui était posé pas sur ma table de devant, mais un peu plus loin, avec la jaquette, hein, sur laquelle c'est marqué que les humains sont des nazis pour les animaux. Et j'avais pas compris, moi, que c'était pour ça qu'il disait ça quand on était extrémiste. Pourquoi? Parce que ce monsieur en question, il était tendance végé, mais pas végé. Il était tendance végé, je crois, pour la santé. Et donc, il avait besoin de se conforter que c'était lui qui était dans le bon choix, et nous, les végés complets, dans le mauvais choix. Donc quand il m'a dit « vous êtes extrémiste », c'était avant tout un besoin de lui de se rassurer. Et du coup, ben voilà, quand je lui ai répondu ça, « est-ce que vous trouvez que c'est extrémiste que de ne pas tuer et manger les animaux ?» Non, ou j'ai peut-être dit « juste tuer » peut-être, je ne me rappelle plus. Non, j'ai dû dire « tuer », je ne me rappelle plus. Là, forcément, il s'est rendu compte de l'absurdité de ce qui m'avait sorti. Le dialogue s'est entamé, c'est là où j'ai su qu'il était tendance végé, machin, machin. Donc il y a aussi demande où on trouve les protéines. Donc là, ça peut être une vraie demande. C'est pas forcément une... Ça peut être juste un besoin d'être rassuré. Alors, fait le parallèle entre la viande et la force de la virilité. Les légumes, c'est pour les filles. Hein. Donc, bon, ben là... Là, c'est pareil, c'est toujours par le questionnement et ce qu'il a dit avant, c'est essayer de savoir ce que lui, il a vraiment derrière. C'est, la difficulté, c'est de surtout pas comprendre trop vite ce qu'il peut y avoir derrière. Et là, c'est bien d'avoir, je ne l'ai pas dit, mais j'ai un panneau célébrité avec quelques sportifs très musclés, entre autres. Donc, du coup, ce genre d'objection, ça permet de... Ah bon, machin, vous trouvez qu'il n'est pas très viril ? Là, ça peut aider. Donc, alors, prétend être au sommet de la chaîne alimentaire, ça aussi, c'est une fausse barre. Hein. C'est clair. Hein. Et il y en a un que j'ai participé il n'y a pas longtemps à un débat organisé. C'est les cafés repères. Pour ceux qui connaissent l'émission de France Inter, là-bas, si j'y suis, ils organisent des cafés repères. Donc, j'étais intervenante sur le végétarisme. Et il y en a un qui a sorti oui, de toute façon, moi, je. C'est la chaîne alimentaire, moi, si on veut me manger, moi, il n'y a pas de problème. Je ne réponds pas, parce que de toute façon, le principe des cafés repères, c'est que tout le monde parle et après, vous chopez la parole. Donc, je prenais plein de notes sur toutes les objections pour pouvoir les repasser en revue après. Et là, du coup, je lui ai répondu, ben, pas à lui directement. J'ai dit, il y a une personne qui a dit que, ce que je disais à chaque fois, et j'ai dit, mais moi, je conçois très bien qu'il y a des personnes qui acceptent sans problème d'être mangées par les autres. Je dis par contre, moi, c'est pas ma conception. Et si je me fais attaquer par un lion ou un ours pour être mangé, c'est certain que je me défendrai. Mais en disant ça, on sait bien que tous les autres, ils ont bien pensé que c'était faux ce qu'ils disaient. Évidemment qu'il ne se laisserait pas attaquer sans réagir. Donc c'était une façon de... Puis j'ai bien vu à son regard, quoi. Il était un peu péteux, quoi. Mais ça, c'est le côté, je te la brave, je te la... Histoire de dire, moi, de toute façon, la chaîne alimentaire, je la respecte, c'est pas un problème. Mais je peux pas passer en revue toutes les objections, parce que ce serait trop long. Donc voilà, alors après, ça, c'est les... il doit rester que deux diapos, je crois. Donc, dans les divers, c'est toujours adapter le changement qu'on va demander en fonction de l'interlocuteur. La difficulté, c'est quand on doit passer dans les médias. Par définition, on ne connaît pas les auditeurs ou les téléspectateurs. En revanche, il y a certains médias, on connaît un peu plus quand même les audiences, donc ça permet d'orienter un petit peu plus le discours quand même. Après, vous avez, quand vous voulez poser une question... je pourrais dire pourquoi on mange les animaux alors qu'ils sont sentients, gna gna gna gna gna. Juste la formuler différemment, dire les animaux, tout le monde sait qu'ils sont sentients, gna gna gna gna, et pourtant on les mange. Pourquoi? Et c'est juste mettre le pourquoi à la fin, ça peut changer beaucoup de choses en fait. Donc la sémantique, donc là ça va être le vocabulaire choisi. Par exemple, moi je ne parle pas d'omnivore ou de carnivore. Depuis quelques années maintenant, je parle de non-végétarien. Pourquoi j'ai fait ce choix d'utiliser les non-végétariens alors que je les ai à un moment appelés omnivores, carnivores, mangeurs de cadavres, enfin bon, tout y est passé. Et parce qu'à un moment, je me suis dit, si je dis non-végétarien, ça sous-entend que la norme, c'est végétarien. Et donc, j'inverse le rapport. Et donc, sur les stands, si on pose des questions, gna gna gna, donc là, je... Quand je vais parler des études, par exemple, de santé, donc je vais dire, donc voilà, dans telle étude, gna gna gna, eh bien, les non-végétariens avaient tant plus de tels problèmes de santé par rapport aux végétariens. J'aime la viande, donc ça on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Voilà. Un autre truc aussi, même si quelqu'un est persuadé que c'est mieux de changer quelque chose, mais alors la persuadé de chez persuadé, c'est-à-dire qu'il est prêt à le faire. Jésus qui ne se rappelle plus comment on fait. Ça, c'est bête. Mais ça existe. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est juste qu'il ne va pas se rappeler comment je dois procéder là-dedans ma poêle. Donc ça, c'est important aussi parce que si on ne le fait pas tout de suite, on ne le fera pas. Parce qu'on oubliera. Quelqu'un qui est déjà prêt à passer à l'acte. Je ne parle pas de celui qui n'est pas prêt à passer à l'acte, mais quelqu'un qui est vraiment prêt à passer à l'acte, c'est important qu'il ait les outils pour le faire. Et les outils, ça peut être des recettes, ça peut être un accompagnement s'il a besoin d'accompagnement, ça peut être un atelier cuisine, l'emmener faire des courses pour savoir quoi acheter, ça peut être, si c'est dans les médias, on ne pourra pas faire ça, mais on va parler du guide du végétarien débutant que l'AVF commercialise, mais que je propose systématiquement, parce qu'il est très bien fait justement dans l'accompagnement, même s'il est perfectible, c'est quand même une base. Il y a aussi tout ce qui peut rentrer en ligne de compte sur comment je fais. Mais à minima des recettes. Mais des recettes qui correspondent à ce qu'il mange. Parce que si c'est quelqu'un qui cuisine jamais et qui fait un cordon bleu parce que c'est pratique et que vous lui donnez une recette gastronomique, il ne la fera pas, il ne faut pas rêver. Si déjà il faut éplucher des légumes alors qu'il ne le fait jamais... Donc, faut essayer de se mettre toujours, et on en revient au tout début, se mettre à la place de l'autre. Et faire une chose que je n'ai pas beaucoup fait, faire des pauses, parce que ça facilite la mémorisation. Donc, je ne l'ai pas fait par manque de temps, mais normalement, il faut faire des pauses dans votre échange avec l'autre. Pour deux raisons. D'une part, ça va favoriser la mémorisation. Et d'autre part, ça va aussi lui permettre de parler s'il a besoin. Et ça vous donnera des billes en plus. Et par exemple, la phrase, c'est votre choix d'aimer les manger. Alors, je vais le dire bien doucement, hein, pour que ce soit bien compréhensible, d'aimer manger les animaux. Pause. Mais ce n'est pas mon choix. Il y a plus de chances que ce soit mémorisé que de le dire à la queue. D'une traite. Donc, voilà. Et donc, la conclusion, donc en résumé de tout ça, c'est, on l'a compris, s'adapter aux différentes personnalités. Vous vous rappelez au début les couleurs, hein, les sociaux, les intuitifs, les rationnels, les mères qui planifient. Alors, sensible, je l'ai dit sociaux, mais c'est pareil en fait. Et il me manque le verbe qui est planifiant, c'est prudent, merci. Merci. Donc, écouter plus, et ça, c'est le plus dur, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est dire toutes les choses qu'on sait, comme quoi, tout ce qu'on sait, ben oui, on en sait plein, forcément, parce qu'avec toutes les années qu'on a milité et qu'on a lu, etc., etc., on en sait plein de choses, et on voudrait tellement dire tout ça, parce qu'on est persuadé au fond de nous que s'ils savent tout ça, ils feront le choix. Ouais, mais d'abord, plus important, c'est écouter, parce que plus il parle, plus il va être d'accord pour vous écouter après. C'est normal, on va le mettre dans une relation d'égal à égal aussi, hein, et puis de voilà. Et puis alors, comme dit l'adage, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais il faut quand même être conscient que c'est 99% de la population. Donc si on parle de nous, quand on parle de la cause animale, on parle de nous, dans une certaine mesure. Alors j'ai pas dit ça, mais il y a une chose que je n'utilise jamais, c'est des jugements de valeur. Par exemple, quand on fait des actions foie gras dans la rue, je ne dis jamais aux gens c'est cruel. Cruel. Ou n'importe quoi d'autre. Ou atroce. Ou... Pourquoi ? Parce que ça, c'est ma vérité. Et par définition, la vérité n'est pas universelle. Et ma vérité à moi n'est pas la vérité de l'autre. Et quand je dis c'est cruel, ouais, c'est cruel sur mon système de valeurs. Mais ça n'est pas forcément pour l'autre en face. Et du coup, s'il considère que c'est pas cruel, fin de l'en recevoir, je passe ma route. Donc moi, à la place, si je prends l'exemple du foie gras, je fais que décrire les conditions de détention. Pendant 13 jours, on est dans des cages juste de la taille de l'oiseau. Imaginez-vous, je leur dis, imaginez-vous, vous êtes sur une chaise ou un lit et pendant 11 à 13 jours, vous ne pouvez pas vous enlever. Vous restez là. Voilà. Je fais juste se projeter et je ne leur parle même pas du gavage en lui-même. Je leur dis juste et je ne vous parle pas du gavage. Mais en fait, voilà, ne jamais, à mon avis, hein, ne jamais dire, quel que soit ce qu'on peut trouver épouvantable, ne jamais utiliser des mots cruels, atroces. Non. Parce que ça peut ne pas lui parler. En revanche, si vous décrivez juste la réalité, qui est de toute façon atroce, il va se faire, lui, sa conclusion. Et puis, il y a juste un mot quand même que j'aime bien utiliser par rapport, par exemple, la corrida, mais pas que pour les animaux de la justice, c'est le mot sévice. Ça, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est... Quand on fait une castration à vif, alors ça c'est un argument que j'utilise beaucoup pour les cochons, la castration à vif, ça parle beaucoup aux gens, surtout les hommes. Et c'est beaucoup plus efficace que de parler de mutilation à vif. Ça ne veut rien dire, les mutilations à vif. Donc je parle de mutilation à vif, c'est-à-dire, comme vous le savez, évidemment on fait comme si... ça c'est un militant de l'AVF qui m'avait donné ce tuyau-là, Rémi, j'ai oublié son nom de famille, mais... C'est lui qui m'a... J'avais trouvé ça excellent, ce tuyau-là, c'est-à-dire, je ne m'étalerai pas, hein, sur les conditions d'élevage, vous les connaissez très bien, hein, vous savez bien, castration à vif des cochons, et vous énumérez. Mais vous avez dit juste avant, je ne m'étendrai pas, vous les connaissez. Évidemment, ils ne les connaissent pas forcément, et s'ils les connaissent, c'est une façon de bien les redire, mais toujours de façon relativement détachée. Voilà, c'est une information. L'empathie, c'est-à-dire s'intéresser et accepter la vision de l'autre. Et ça, c'est vachement dur. Parce que quand on est face à quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre que ce qu'on fait subir aux animaux, c'est pas normal, que c'est pas bien, et que ça ne devrait pas exister, ben on a plutôt envie de lui dire « pauvre con, casse-toi ». Eh ben non. Et là, il faut arriver à prendre sur soi et « casse-toi, pauvre con ». J'ai fait à l'envers, casse-toi. Et plutôt, voilà, prendre sur soi pour rester en empathie avec lui, en gardant à l'esprit que s'il dit ça, s'il pense ça, c'est parce que probablement, il y a plein de choses derrière dont il n'est même pas conscient lui-même, qui l'empêche d'aller au-delà. Et notre job à nous, c'est juste aller le chercher où il est, et puis essayer de voir où on peut l'emmener pour que ce soit acceptable pour lui, pour le commencer à le faire évoluer dans sa vision des choses. Mais pour ça, il faut que ce soit en rapport avec ses besoins. Si on va à l'encontre de ses besoins, ça va être vachement plus dur. Donc ses besoins, déjà l'écouter, c'est le besoin fondamental qu'on écoute. Et puis, si mon besoin, c'est d'avoir une vie pas triste, c'est important d'aller pouvoir, d'abord de lui dire, je comprends, c'est vrai que si on pense que, enfin, imaginez que manger végé, on ne mange pas bien, qu'on ne se régale pas, etc., je comprends que ça puisse vous faire peur. Enfin, on va pouvoir reprendre sa peur et puis lui proposer une alternative. Idéalement, si on peut faire des dégustations, c'est pas mal. Donc voilà, ça je l'ai dit, hein, y a pas de vérité. Hein. Ce qui compte, c'est pas ce que nous pensons nous de ce qu'il faut faire, mais ce que l'autre pense de ce qu'on lui demande de faire. Ou qu'on lui demande pas. Ça dépend si on lui a déjà demandé ou pas, mais en tous les cas, ce qu'on aimerait lui demander qu'il fasse. Et si on va pas lever les freins par rapport à sa perception de ce qu'il doit faire, on va pas y arriver. Et puis enfin, identifier et reconnaître les besoins non formulés, parce qu'il ne va pas forcément le dire clairement ce que c'est que ses besoins. Donc, par exemple, la provocation, ça peut être un moyen détourné de parler de ses besoins. Allez y chercher ses besoins, parce qu'on peut repartir à partir des besoins. Voilà. Donc, je vous remercie, parce que c'était très long, j'en suis consciente, et je débordais d'un quart d'heure pour la suite. Donc le groupe de travail, enfin ça dit juste avant s'il y a des questions diverses et variées en plus. Donc je vais laisser la parole à Richard, à moins que vous abusiez des questions ou pas, ou des interventions, pas forcément des questions. Enfin, c'est vrai qu'on les a quand même posés un peu au fur et à mesure aussi. Donc. Juste une anecdote. Oui. J'étais allée au procès des boulonneurs, parce que moi j'étais à Paris, j'avais un t-shirt de la Téla. Un jeune élu. Est-ce que tu veux bien parler un peu plus fort, s'il te plaît? Parce que j'entends pas très bien. J'étais au palais de justice, c'était au procès des boulonneurs, et j'avais un t-shirt de la Téla. Un jeune est venu vers moi et il me dit tu es végétarienne ? Et je suis végétalienne. Et là, il était là, donc il dit voilà, moi je suis végétarien. Ma mère respecte mon choix. Elle me fait des plats, de la cuisine. Mais par contre, je voudrais absolument être végétalien. Il y a quelque chose qui m'arrête. Voilà. Donc, où, comment faire ce que je cherchais, c'est. Le comment. Ce qui manquait, je dis ce qui manque, c'est la vitamine B12. Voilà, avec ça, ça suffit. Il ne manquait que ça. Donc identifier le besoin. Voilà, oui, tout simplement. Et donc il m'a demandé comment ça se prend. Tu vas aller en une vegan, ou bien ils ont pris le ici, donc tu as pris le food. Voilà. Et en fait, ça avait résolu son questionnement. Son questionnement, alors qu'il fait. Oui, parce qu'il était prêt à passer à l'action, c'est juste qu'il lui manquait le comment je fais. Et, soit dit en passant, on rencontre de plus en plus, parce que avec la vague là, à l'heure actuelle des différents livres qui ont été publiés, le dernier étant celui d'Émérique Caron, Nostec, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui pourraient être prêtes à changer, mais qui ne savent pas comment faire. Et qu'à la limite, le discours à tenir n'est pas forcément du pourquoi il faut changer, parce que je suis persuadée qu'il y en a un certain nombre maintenant qui le perçoivent, mais comment ? Et comment de façon acceptable ? Pas trop, pas particulièrement difficile. En même temps, on prend des gouttes de petites pilules, c'est pas très grave. Ça va. Moi, franchement, ça m'enthousiasme pas. Les compléments alimentaires. Oui, je suis d'accord que c'est indispensable, mais. proposé comme solution pour les vitamines, genre j'ai eu dans l'espace. Alors là, là, c'est assez facile de répondre. Ouais, mais voilà. Alors en plus, c'est-à-dire si tu laves pas tes légumes et tout, si tu laves pas tes légumes, etc., tu as probablement de la B12 dessus, parce que c'est les bactéries qui la fabriquent. Sauf qu'en général, on n'aime pas quand c'est croustillant sous la dent. Donc c'est pour ça qu'on lave les carottes et compagnie. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est de préciser, ça c'était un article de David Olivier qui était très intéressant, qui précisait que de toute façon, la B12, elle est donnée aux animaux d'élevage. Et donc là, juste de dire, bah, moi c'est juste qu'au lieu de le donner à l'animal et de manger l'animal après, bah, autant prendre la B12 direct, hein, là, c'est un circuit plus court. Et puis, voilà. Et puis d'autre part, quand on sait qu'à côté de ça, le fait de manger végé fait qu'on a beaucoup moins de risques de pathologies, genre cholestérol, diabète, hypertension, gnagnagna, on a beaucoup moins de risques à terme de devoir manger des comprimés tous les jours. Là, c'est une ampoule une fois par semaine, normalement c'est 10 jours, moi je dis une semaine, c'est plus pratique à se rappeler vu qu'il n'y a pas de risque de surdosage. Voilà, et du coup, tu peux dire, parce que les gens qui doivent prendre des comprimés tous les jours, il y en a, hein. Ça ne leur pose pas plus de problème que ça. Mais ce qu'il peut y avoir en arrière-pensée, c'est plutôt le fait que ce n'est pas naturel. Et de là de dire que de toute façon la B12 est donnée aux animaux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais laisser la parole. Donc ça c'est pour les... toujours dans la communication efficiente. Donc, ce matin, ça a été évoqué, les moyens d'action, plus au niveau politique ou lobbying, etc. Et en fait, concrètement, c'est pour être plus efficace hein, dans les actions de communication. Et a été évoqué la possibilité d'un groupe de travail. Et donc, Richard va pouvoir en parler justement pour les personnes intéressées par ce groupe de travail. Donc on a bien précisé, seuls ceux qui sont intéressés peuvent rester. Libre aux autres, parce que vous avez sûrement une journée très dense, et pour notre part on est en moto et je vois que l'orage arrive, donc je vais aller très vite. De toute façon, si on pouvait enlever l'écran et le projecteur, vous utilisez juste un feuille de papier. Il y en a pour 20 minutes, je fais simplement la synthèse de ce qu'on a dit ce matin, pour voir si on s'est compris. Et vous verrez ensuite entre vous par des échanges de mails, enfin je dirais entre nous, si le sujet plaît, s'il y a des raisons d'aller plus loin. Donc ceux qui voudraient sortir, bah, profitez-en, comme ça on fait un break d'une minute. Et quand on est dans le groupe de ceux que ça intéresse, on pourra démarrer. Pourquoi pas le faire ? Votre intervention à un moment où il y a... Parce qu'on repart ce soir. C'est pour ça qu'on le fait cet après-midi. Mais de toute façon, il faudra beaucoup plus que les 20 minutes qu'on a là. Donc on aurait carrément une session. C'est juste une explication sur ce que ça pourrait être.